Je trouve ça raté un peu. Je me demande si la version crème est meilleure. Menthe. Je suis persuadée. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon, ouais. Et pour une grande Kit Kat, et là, en version originale, tant qu'elle touche la version originale, tu peux varier un peu. Ouais, c'est vrai. Mais comme je dis, c'est très cher. C'est un genre de 5-6$ pour la barre. Mais elle est très grosse, là, la barre. Là. Comme, achetez pas cette barre-là pour faire des cadeaux à l'Halloween. Là. Non, c'est comme prenez, pour l'imaginer, là, prenez une Kit Kat normale, mettez-la sur le côté. Mm-hmm. Et ajoutez-en, empilez-en comme plusieurs de suite. Il y en a comme, je pense, il y a peut-être 10 bâtons environ, peut-être une douzaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, facilement 10. Si c'est okay. pas 12. Si c'est pas 12, exactement. Une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe tendresse à la colline dans laquelle on goûte à un produit acheté en dépanneur ou en épicerie, quelque chose qu'on ne devrait pas manger ou boire parce que c'est malsain pour nous. Hein? On aime ça de même. Et aujourd'hui, on mange et on mange du sucré, Tania. Oh. La semaine passée, on a mangé du salé, c'est des chips, si je me rappelle bien. Non, c'est la grosse barre de chocolat Kit Kat. Ah, t'as raison. L'autre semaine d'avant, c'était du salé. Mais bref, j'ai trouvé ça. J'espère que ça va te faire plaisir. C'est les nouvelles bartendres au Lucky Charms. Ah oui, je sais. On a déjà vu des bartendres à différentes saveurs de céréales, dont les Golden Grahams. Ouais. Il y avait les croquants cannelle qui avaient leur bartendre aussi, que j'adorais. Maintenant, ils viennent de sortir les Lucky Charms Treats. Donc, les délices Lucky Charms à la guimauve, ça ressemble étrangement à des carrés de Rice Krispies. Vraiment? Je trouve. Avec des guimauves dedans. Avec des guimauves. Hey, Tania, je me demande si ça te tente pas d'utiliser ça comme micro magique. Ah, ça me dérange pas. On a un autre micro de spare. Je pense que c'est encore mieux parce que tu pourrais viser directement le produit. Que ce serait une bonne idée, ça. Je vais le viser. Bonne idée. Lucky Charms Street Marshmallow avec saveur artificielle. Les formes et les couleurs des guimauves peuvent varier. Parce qu'on sait évidemment que Lucky Charms a différentes sortes de guimauves. Il peut y avoir des trèfles. Il peut y avoir... c'est quoi les autres? Des arcs-en-ciel? Oui, il y avait lunes. Aussi la marmite. Comment t'appelles ça? Marmite, oui, marmite. Exactement, tout à fait. Tout à fait, il y a ça. La marmite, oui. Un cœur. Oui. Et un fer à cheval. Ah, voilà. Des choses chanceuses, finalement. Hein? Oui, ben oui, parce que c'est Lucky Charms. Lucky Charms. Il n'y a pas grand détail sur la boîte, autre que dire que ça contient des substances laitières, comme toujours des ingrédients du soya, du blé, de l'avoine et de l'orge et des sulfites. C'est le premier ingrédient, c'est des céréales. Ça commence quand même bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Où finit la parenthèse là-dedans? Je sais pas. C'est toi qui as la boîte. Farine. Il n'y a pas de fin de parenthèse. En tout cas, bref. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas de détails sur qu'est-ce que c'est supposé être autre que ça. Fait qu'on va juste ouvrir la boîte. OK. Attention, je te lance ça. Foup. Yeah. Merci. Donc, micro-magique. Je vais ouvrir ça. Ouh. Il y en a combien dedans? 5, je pense. Hein? Ça, il y a des petits pointillés. Ah, ça, c'est bois. Peut-être des pointillés, ça marche jamais. Sérieusement, là, je comprends pas pourquoi ils font ça. Ça hein? ne fonctionne jamais. Oh, il y en a 5! Et c'est quand même des très grosses barres. Je sais pas si on peut appeler ça des barres tendres. Ben, j'ai comme pas le goût d'appeler ça une barre tendre. Est-ce que tu trouves toi aussi que ça ressemble à des carrés Rice Krispies? Je me demande si c'est ça que c'est supposé être. On dirait... Tu sais les barres tendres spécial cas? Ouais. On dirait vraiment ça selon la photo qui est sur la boîte. Mm-hmm. Maintenant, je vais ouvrir la petite barre. Est-ce qu'on en prend une à deux, vu qu'on a deux? Moi, j'en aurais pris une toute seule, mais oui, on peut en séparer okay, une. OK, je peux t'en laisser une, mais sinon, je la finirai pas. OK, bon, on va commencer par se séparer celle. OK. Donc, oui, j'avais un peu raison, en fait. Je trouve beaucoup que ça ressemble à la Special K. OK. Je vais même la tourner. Oh, c'est comme... Ben là, voyons donc, ça a été je au froid, ça. Je vous jure que c'est collé. Ben, c'est tellement sucré que ça peut pas faire autrement. C'est ça. Mais oh mon Dieu! Ça sent les Lucky Charms! mais là, on a un petit problème. Ça a fondu dans l'emballage. Pas vraiment. Les guimauves vont... Certaines guimauves vont coller sur l'emballage. Ben, c'est sûr que dans le studio, en ce moment, là, je vous mens pas, il fait 24 degrés. Ouais, c'est ça. Je tiens ça à 21 degrés chez nous, mais ici, il fait 24 degrés. OK, t'as raison. Rice Krispies à fond. Good. C'est vraiment des Rice Krispies. Parce que j'aime ça. Avec les guimauves des Lucky Charms, je vais m'en prendre une petite partie. Elle fait exprès pour en prendre moins que la moitié. Tiens, là, j'ai vraiment pris la moitié. Je te redonne l'autre moitié avec la boîte. Attention. Attention, ça va coller peut-être. Merci. Voilà. Le studio est vraiment trop grand pour nous. Bon. Alors, prends ton autre micro. Oui. Ah oui. Oh non, je viens de... Qu'est-ce que ça fait? Je viens de briser la boîte. T'as brisé la boîte. Je savais que tu ferais ça. Ça marche pas, ces poitiers. Bon. Ça marche jamais. Okay, surtout donc, pas avec moi. Odeur, moi aussi, faut que je vérifie l'odeur. En ça... effet, ça sent exactement comme un bol de Lucky Charms. Ça sent un bol de... Je sais pas si tu vois mon autre micro. Ah, t'as raison. Oui, c'est ce et voilà. Ça sent les Lucky Charms, mais ça sent aussi... Je parlais des spécial cas. Surtout à cause... Tu sais, les spécial cas, ils ont comme un petit coulis de yogourt dans le fond. Ouais, ouais, ouais. J'ai comme l'impression que c'est un petit coulis de yogourt c'est dans sûrement, le fond. C'est sûrement supposé imiter la sensation du lait ou quelque chose de crémeux un peu. Là, ou moins, la marshmallow peut-être. La guimauve, je ne sais pas, c'est pas écrit sur la boîte. On goûte? On goûte, goûtons. Et c'est sucré. Oh mon dieu! Wow. Mmh. Mais ça goûte pareil comme un carré à Rice Krispies. J'ai 42 caries là. Ouais. Ça goûte vraiment les carrés de Rice Krispies. Un petit peu les guimauves, mais pas tant que ça. Je vais vous avouer que j'avais un morceau de guimauve dans le morceau que j'ai pris là. Mm-hmm. Puis là, il y en a comme 42 dans celui qui m'attend. Fait que je vais goûter avec plus de morceaux de guimauve parce que sinon, il n'y a pas de distinction à faire vraiment. OK, OK. Un peu, hein? On goûte vraiment un petit peu les guimauves. C'est Lucky Charms. En arrière-bouche un peu. Il y a un petit arrière-goût de guimauve, mais pas mais on tant dirait que... C'est pas la meilleure idée du monde. Parce qu'on dirait que les guimauves, ils durcissent comparé au reste de la barre tendre. Ouais. J'en aurais mis plus des guimauves dedans, moi. Tant qu'à faire des barres aux guimauves, ouais. J'aurais mis quasiment juste ça. Mais je me dis qu'ils voulaient venir un petit peu calmer le sucré, mais ça a pas réussi parce que c'est très, très, très, très, c'est très sucré. C'est extrêmement sucré, là. Dans le bon sens, mais pour vrai, c'est une petite en masse, là. Ah, je pense une demi, là, genre, puis j'ai topé mon tour de... Je pense que c'est fait pour attirer les enfants... À manger ça en plus de leur Lucky Charms normal, c'est aucunement bon pour la santé. Non, mais sérieusement, c'est. Moi, je me demande, y a-t-il quelqu'un qui va mettre ça dans un lunch à un enfant? Ben, il devrait pas, en tout cas. Moi, je me vois mettre ça dans mon lunch. Je le verrais comme un dessert. Oui, pas comme une collation. Une gâterie de fin de semaine, mettons. Et voilà. Ouais. Lucky Charms Treats ou Lucky Charms Délices en français. Disponible un petit peu partout en épicerie. Voilà. Moi, je donne un pouce. Ah, c'est des Lucky Charms, j'ai quasiment pas de. Ouais, je vais le mettre en haut parce que c'est des Lucky Charms. Moi, je le mets sur le côté parce que c'est beaucoup trop sucré. Je vais le mettre sur le côté parce que c'est pas assez Lucky Charms. Ok. Je préférais, tant qu'à avoir les céréales en barre tendre, comme j'ai déjà dit, les crocs en cannelle, c'est malade, génial. Les Golden Grabs, imbattable. Tant qu'à ça, je prendrais ces deux-là avant de prendre des Lucky Charms de nouveau. Voilà qui est dit. On s'est approprié l'idée d'avoir une grosse pointe entre les mains, donc voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse à la chronique dans laquelle on goûte à un produit acheté en épicerie, en magasin, en dépanneur, un endroit qu'on ne devrait pas visiter parce que c'est des produits de malbouffe. Des choses qui sont pas bonnes pour la santé. On va essayer de contourner les règles que Véronique Mire, qu'on a gardées pendant la semaine, elle se fait des menus qu'elle me disait à ronde. Oui! C'est vrai, hein? Là, on parlait de bouffe, ça me donnait faim. Je disais, grosse pointe d'adresse, on va rester. On a parlé de plein de bacon tantôt, donc continuons, mais cette fois-ci pas avec du bacon, mais avec des peanuts. Oh, des peanuts! Parce que je sais pas, moi, je pense. T'as vendu le punch? Ouais, c'est ça. Je pense pas que les gens ont vu passer ça. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment surpris de voir ça. OK. Et j'en ai amené deux pour qu'on puisse partager. Puis je pensais même pas qu'on allait être trois, c'est encore mieux. Avez-vous vu passer ces barres Planters, barres de noix, caramel salé? Non. Non. Ça a l'air extraordinaire. Et personne n'est allergique aux noix? Non. Non. C'est des. OK. C'est comme une barre tendre. C'est une barre de chocolat. OK. Avec... Au peanut. Ben, en fait, je sais pas s'il y a du chocolat. On va lire. Okay. Donc, barres de noix. Que ça commence quand même bien. Caramel salé, c'est bon. Sur la photo, on voit vraiment l'enrobage d'arachide autour. Donc, d'après moi, le chocolat est remplacé par des peanuts. Et d'après moi, l'intérieur est au caramel salé. Avec peut-être même un petit peu de nougat. Ben, chose comme oui. Ça. Ah, bon. On va voir. Donc, ingrédients. Arachide, sucre, sirop de maïs, huile de palme, teneur réduite en lactose. OK. C'est pas un ingrédient, c'est teneur réduite en lactose. Non. Sel, huile de coco, arôme naturel artificiel, lysine de soya, protéines de soya modifiées qui contiennent de la gélatine de porc et ou de bœuf. Ah, rien de moins. Fait que c'est pas cachère. C'est pas cachère, en effet. Non, en effet. Invertase, TBHQ, je sais pas ce que c'est, acide citrique, peut contenir des noix. Ah, mais oui, hein, Il y a une chance que tu l'as dit. On s'y attendait pas. C'est incroyable. C'est marqué nouveau dans le coin. C'est marqué sans gluten. Donc au moins, bon, peut-être pas cachard, mais au moins c'est sans gluten. Mm. Une chose à la fois. La mascotte est toujours Mr. Peanut là, chez Planters. Donc on le voit en plein emballage de son petit dessin avec sa canne. Je cherche d'autres informations à vous dire, mais j'en vois pas vraiment parce qu'on ne lit pas la teneur en calories. Ça nous intéresse pas du tout. Donc, je vous passe une barre de ce côté-là. Je vais garder la mienne de ce bar-ci. Attention, Tania. Oui. Et la Véronique, n'importe qui. On la prend. Ouais, voilà. Ah, c'est quand même assez consistant. Est-ce que tu veux que je prenne le. Prends le micro magique sur le côté, s'il te plaît. Si tu peux te rendre. Est-ce que tu te rends jusque-là? Il y a un micro magique dans le studio. Ben, j'en apprends des choses aujourd'hui. On a du budget, là. Mais qu'est-ce que le micro magique? On peut plus faire assemblage requis le matin, mais on a un budget pour un micro magique. OK, donc, c'est une blague. C'est tellement gratuit comme commentaire. Ben, je chercherai jamais pour ce genre de joke plate-là. Donc, le micro magique qui va nous servir à déballer cette barre. Planters, barre de noix. Allez, fais-toi les sacs. Dit-il, en regardant la barre. Une grosse barre. Ça sent-tu bon? Ouais. Ça sent les Mr. Big. OK. Oh. Ben, c'est comme une Mr. Big inversée sans chocolat. Une genre d'O. Henry. O. Henry plus. Je vais vous avouer que c'est une O. Henry pas de chocolat. C'est pas mal ça, hein? Ça ressemble vraiment à ça. J'espère que ça va être salé. Là, j'ai comme ouvert le sac au complet. Ah, ouvre ça, ouvre ça. Excusez, j'ai oublié de dans le micro magique. Elle a une chose à faire, mais elle fait même pas comme ça. Ouais, mais c'est parce que c'est assez difficile, juste une main. Mais t'es habitué de... Il faudrait qu'on filme. Mais Mathieu Plante! T'es habitué de s'ouvrir ça à une main, cette barre-là. Puis aussi, elle est aussi bossée, d'habitude. Oh, quel bon sang. Sucré salé, d'habitude, quand t'as mis ça dans tes mains, toi? Ça sent très bon. Ça sent les peanuts mélangés avec les caramels. Aïe, ça, c'est vraiment, là... C'est ce qu'elle aime que ça sente dans ses mains. Ça sent le beurre de peanuts. C'est vrai que ça sent le beurre de peanuts. Mathieu, est-ce que t'en as une de ton bar on la divise en trois? Parce qu'elle est très grosse. C'est vraiment gros. Je pense qu'on divise en trois. C'est très gros. Okay, bon, Monsieur Planter n'avait une grosse? Monsieur Planters! Imagine si j'étais distributeur de peanuts. Oh, il y a du blanc au milieu, il y a du... Est-ce que c'est liquide, Tania? C'est liquide? Non! Est-ce que ça te barre les doigts? Ben, d'après moi, quand on va la manger, ça va changer de texture. Est-ce que ça va rentrer de ton complet dans ta bouche? J'suis désolée, mais il y a vraiment du blanc au milieu. Ça sent, je sais pas comment décrire ce que ça sent. Ça sent pas le coconut, fait que c'est pas du coconut. Hey, j'ai vraiment un gros morceau, Mathieu. Merci, moi, je m'en allais te donner celui-là. Mais je sais pas c'est quoi. Ça dit pas sur l'emballage, hein? Non, ben ça a l'air d'être un mélange de plusieurs choses. Je me demande si c'est pas broyé ou... Ils disent pas peut-être, partout. Là, je suis tout en train d'échapper. Ça dit plein de choses, mais c'est des trucs que je connais pas. Est-ce que tu le RGBQ, GRC... Hey, non, c'est pas écrit, hein. OK, on va y goûter. C'est comme... Mets ton doigt dessus, sur le bouton. Ben, j'ai vraiment voulu mettre le doigt dessus parce que c'est comme de la mousse. Masse comme faux avant. C'est vraiment comme de la mousse. Hey, ouais. C'est sucré au bout. Ça goûte le nougat. Mais c'est peut-être du nougat. C'est ce que j'avais avancé comme théorie tantôt. Est-ce qu'on se met la langue directement sur le bout? Seigneur, je suis restée ici, moi. Caramel salé, puis ça dit pas nougat. On plonge une bouchée complète, ouais, donc. OK. C'est salé en mort. Oh, mon Dieu, c'est bien salé. J'aime ça. Miam. Je pense que c'est clairement du nougat qu'il y a dedans. Ouais, juste le sucré, est-ce qu'il va venir? Non, mais c'est vraiment bon, là. Hey, c'est vraiment à l'intérieur d'une O. Henry, tu l'as dit. C'est la meilleure comparaison à faire. Miam. C'est vrai. Caramel salé, est-ce qu'on goûte le caramel? Ouais. Ouais, on goûte quand même. C'est plus salé que j'aurais pensé, mais j'aime ça. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on goûte plus le nougat que le caramel, par exemple. Oui. Ouais. Si tu lèches tes lèvres, là, c'est salé plus. Vraiment, ouais, il y a comme c'est très salé. C'est super bon. C'est bizarre parce que, pour vrai, moi, en tout cas, j'ai jamais vu une barre avec des peanuts comme enrobage autour. C'est vrai. C'est vraiment original. Et j'espère que ça va avoir un énorme succès pour avoir d'autres saveurs. Parce que s'il y en avait une au chocolat et peanuts... Des trucs comme ça, ça pourrait être vraiment bien, vanille, peu importe. Ben, des peanuts au barbecue. Oui, ketchup. Absolument. Il pourrait être tout ce que les Planters ont en pot. C'est vrai. Ils pourraient faire des bars avec. Le milieu est très intriguant. C'est super, super bon. Honnêtement, c'est pas écrit avec nougat sur l'emballage, donc tu sais pas c'est quoi. C'est le moment, sans plus se perdre de temps que ça, de goûter à quelque chose du grand commerce, du dépanneur du coin, dans ce cas-ci. Voici une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. c'est une grosse pointe d'adresse. C'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit acheté en magasin, en épicerie, de la malbouffe. Finalement, des choses qu'on ne devrait pas se procurer parce que ce n'est pas bon pour nous, mais on est fait fort, on est capable d'en prendre, en tant qu'on y aille avec modération, comme Tania nous l'a appris tout à l'heure. Aujourd'hui, Tania, je t'ai apporté deux choses à goûter. En fait, c'est un produit, mais en deux dérivés. Tu vas trouver qu'il y en a beaucoup trop et c'est moi qui vais devoir tout boire le reste. Ok, j'ai peur. Ouais. Ce sont des Rockstar, donc déjà boissons énergisantes, je le sais. Mais par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que moi, j'avais jamais vu encore. Peut-être que c'est même pas nouveau parce que je vois même pas l'icône nouveau dessus. Mais ça s'appelle Rockstar Boom Energy. C'est à la saveur d'orange fouetté. Orange fouetté. Et de fraises fouettées. Donc peut-être un genre de shake. Un genre de shake, ouais. Je me demande si c'est onctueux, peut-être crémeux, on va voir. Donc ça dit dessus, je vais prendre les deux canettes en même temps pour vous lire les informations et des fois qu'il y aurait des différences. Donc on retrouve en haut, bon, caféine, guarana et taurine. Ok. Ok, caféine est écrit deux fois. Donc ça dit caféine. C'est très important. Caféine, guarana, taurine, caféine en français, tu sais. Ok, ok. Sinon, bon, à part de dire que c'est saveur de fruits fruités, ça dit boisson énergisante avec caféine, ok, si on avait compris. Boom Whipped Strawberry, fraise fouettée, ok, parfait. Teneur élevée en caféine, bien sûr. Ça contient 2000 mg de taurine, 160 mg de caféine, 100 mg de glucuronolactone, 50 mg d'inositol, l'extrait de racine de panax, ginseng 20 mg, extrait de graines de guarana 20 mg. Ça, c'est pour l'orange. Fraise, c'est la même chose, exactement. Ça dit de le mettre entre 15 et 30 degrés Celsius. Moi, je les ai achetés au dépanneur juste avant l'émission. C'était dans un réfrigérateur et le froid semble avoir resté. À être resté? Oui, oui, une chance. Ça a resté froid. Parce que d'après moi, chaud, ça doit pas être très, très bon. Ça doit pas, mais je me le demande. Les deux font 473 millilitres. Il n'y a vraiment pas de détails tant que ça d'écrit sur le côté. Évidemment, à part pour les mises en garde, donc ne pas consommer plus d'une canette par jour, n'est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes sensibles à la caféine, ne pas mélanger avec de l'alcool, ce que tout le monde fait de toute façon. Mm-hmm. Hein? Voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que tu préfères ouvrir fraise ou orange de ton côté pour que je garde l'autre? Orange. Orange, tiens. Ouais. Je te donne l'orange, tu vas pouvoir l'ouvrir de ton côté. Moi, je vais ouvrir fraise de mon bar. Et après ça, comme... Tu vas quand même devoir boire les deux, ça, c'est sûr. Ouais, je sais. J'aurais aimé avoir des verres pour pouvoir voir la couleur, mais bon... Oui, c'est vrai. Au pire, on a une tasse vide, on pourrait peut-être en verser une mini goutte pour voir la couleur. Veux-tu que je l'ouvre dans le micro magique? J'aimerais ça, s'il te plaît, le micro magique qui nous attend toute la semaine. Tout impatient. Allons-y. OK, c'est pas un shake. Ah! Ça sent l'orange crémeuse, là. Ça sent le creamsicle. Tu sais comment j'aime les creamsicle. Oui, puis je te dirais que c'est pas très, très orange. Okay. C'est comme blanc. OK. Prends la tasse à côté, je veux voir vraiment si c'est... C'est bizarre un peu, c'est bizarre. Voir si ça fait de la ça petite crème dessus. Ça sent les bonbons à l'orange. OK. Moi, je dois te dire, le mien, ça sent les creamsicle à la fraise. Elle n'est pas vide, malheureusement, la tasse. Non, mais c'est juste pour voir si ça fait de la crème, si c'est rose, si okay, c'est OK, tu orange. Veux que je... C'est l'apparence de la chose. OK. Juste pour voir. OK, ouais, mais c'est... OK, pas toi. Hey, wow, gaspille-en pas de main. Hey, c'est une gorgée, tu viens de me faire perdre. Hey, le budget. Mais là, tu vas courir partout. Ouais, mais ça a l'air un petit peu fade comme couleur, je trouve. Ça oui, l'air, c'est très, très fade comme couleur. Je te dirais pas que c'est la couleur la plus attrayante au monde. C'est pour ça qu'il le met dans une canne opaque. Et voilà. là, il y en a plein sur le bord. Ça me. Tu l'as pas essuyé avant? Je vais y aller. Est-ce qu'on y va? En même temps? Je vais boire la fraise en même temps. OK. OK, go. 3, 2, 1, go. Ça goûte le creamsicle de mon côté. Ça goûte le creamsicle à la fraise de mon côté. Ça goûte un peu la crème glacée. On dirait un flotteur. Ouais, ouais, on dirait vraiment un flotteur. Flotteur, flotteuse, en tout cas. Un flotteur. C'est bon? Il me semble que c'est moins sucré. Il y a un goût agressant quand même, là, okay. Le mien. Je sais pas pour le tien. Mais je pense que c'est la surdose de caféine. Tu sais, c'est quand même une boisson énergisante. Est-ce que tu... Ben, on goûte pas la caféine, c'est sûr que non. Ça donne un petit kick de caféine, mais je me suis attendu à quelque chose d'un petit peu plus sucré. Ça goûte pas la boisson énergisante. Et ça goûte pas aussi crémeux que je pensais qu'une boisson crémeuse allait goûter. Ouais, moi non plus. Ça fait juste qu'il aurait pu dire, bon, ça goûte saveur de creamsicle. Je me demande si le fouetté a vraiment un lien avec ça. Fouetté, je me suis attendu à quelque chose onctueux, un peu comme un yop. Ouais, si je suis d'accord avec toi. Ça dit teneur élevée en caféine. Moi, je le. Tu sais, comme je le goûte, là, ça paraît, là. Ben oui, pour vrai, moi, je le goûte pas du tout. Mais bon, ça reste bon.

grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on achète un produit en dépanneur ou en épicerie, de la malbouffe. On goûte à ça, puis après ça, on parle de nouvelles de fast-food. C'est pas la meilleure formule du monde, ça. Tu peux pas battre ça, je pense, comme formule. C'est difficile. C'est on pourrait essayer, mais ça, on échouerait certainement. Probablement. Justement, on mangera pas des choux aujourd'hui. Échoue, c'est un jeu de mots avec échoue. Non, en fait, tantôt, dans une précédente chronique, je t'ai demandé si t'aimais la réglisse. C'est vrai? C'était un indice. Ah, pour vrai? Oui, parce que j'ai trouvé... Moi, c'est la réglisse! Moi, c'est la réglisse! Bon, on va voir si tu vas aimer ça, parce que je sais pas c'est quelle sorte de réglisse. C'est de la réglisse de marque Panda, avec même un petit panda comme logo. OK. C'est cute, hein? Ça dit le vrai goût de la réglisse. Bon, déjà, ce sera pas de la réglisse comme on connaît les petits. Comment on appelle ça? Les nibblers? Nibblers? C'est comme de la fausse réglisse, là, beaucoup trop sucrée. Là. Ça devrait pas goûter ça. OK. C'est marqué fabriqué, fait d'ingrédients naturels. D'accord. Okay. Ça dit réglisse tendre. Et non pas de la réglisse dure. Réglisse tendre. C'est marqué 100 gras. 32 grammes. Donc, c'est quand même pas d'énormes barres. C'est quand même assez petit. Ça dit sans gras, sans agent de conservation, sans saveur ou colorant artificiel. Il n'y a pas grandes informations d'autres que ça. Ça vient de Orkla Confectionery and Snacks de Finlande. En Finlande. Là, même que leur site web, c'est panda.fi. Finlande. Ça dit meilleur avant année, mois, jour. Attends un peu, j'imagine que c'est 9 août 2016. On est encore correct. Ouais. Je suis quand même surpris parce que c'est sûrement pas des produits qui sont achetés très très fréquemment. Vous savez que, anecdote, là, je prends mes produits toujours à la même épicerie. Oui, c'est vrai, tu te disais l'autre jour. Celle qui me donne des points pour qu'après ça, je reçoive des chèques de 12$ pour aller faire l'épicerie gratis. J'aime bien ce système-là. Mais bref, la plupart des produits que j'achète pour une grosse pointe d'adresse ne sont pas répertoriés parce qu'il y a encore personne qui les a achetés. Les produits sont sur les tablettes, ils ont des prix, mais ils sont pas encore dans les machines, fait qu'il faut qu'ils viennent l'installer. Mais c'est parce que je prends des produits pour la première fois, genre souvent. C'est correct, ça. Très souvent, c'est le but de la chronique. Donc, j'en ai acheté deux. OK. Je sais pas si ça va être assez une au complet pour toi. Oh, Colin, pourtant, je l'ai bien lancé. Ah, il a fallu que tu attrapes avec ton bras droit. Oui, mais j'attrape juste avec... On a dit tantôt que Tania avait un problème de clavicule ainsi que de vésicule ainsi que quelque chose qui finit en hule. Est-ce que c'est de la réglisse noire, tu crois? Ben, je me suis demandé parce que l'emballage est très très noir. Ouais, on n'a pas parlé du visuel côté couleur. L'emballage est complètement noir sauf le bout à droite de la barre. Je pense que oui, parce que ça jaune. Sent la réglisse noire. L'emballage est encore fermé, tu trouves que ça sent? Tu trouves pas? J'espère qu'il n'est pas ouvert d'avance. Mais moi je sens rien, je sais pas. Est-ce que la réglisse naturelle c'est noir? Je me le demande. J'ai remarqué, as-tu vu que si tu regardes derrière dans le fond noir, là, le fond est comme noir et jaune, t'as des mots. Et je crois que c'est des ingrédients. Ooh. T'as anis, extrait de quelque chose. Donc moi je vois pas les ingrédients. Ah tiens, j'avais pas vu les ingrédients, sont là. Donc d'après moi c'est noir. Oui, sont en dessous du rabat les ingrédients. Ok. Donc t'as mélasse de table, c'est le premier ingrédient. Oui. Ça, très bien, j'adore la mélasse. Farine de blé, mélasse de cuisine, extrait de réglisse et huile d'anis. Bon. Ça va être noir, d'après moi. Ouais, d'après moi ça aussi. Va sûrement être intense, d'ailleurs, comme goût. Ouais. On est prêt? On est prêt. As-tu un micro magique à portée de main? Oui. Gueule, gueule, gueule, gueule, gueule. Pour ouvrir cette réglisse panda. C'est noir. Ouh! C'est très noir, même. Oh, je sais pas ça. C'est noir, c'est plat et c'est long, comme tous les hommes. C'est terrible comme câble. Je peux pas faire. Je pense que c'est ton pire, celle-là. Ah, là, ok, c'est vraiment noir. Est-ce que c'est mou et gommant, comme tu les aimes? Oh, Mathieu Plante! Je vais avouer que ça laisse un résidu assez déplaisant dans l'emballage. Ok. Ça laisse un résidu brun. Brun? Dans l'emballage. Ben voyons donc, brun. Tu sais, comme de la slotte d'hiver. Ouais, c'est ça, c'est de la mélasse. Ouais. Ça a l'air d'un... Tu me diras ce que t'en penses selon le design qu'il y a sur la barre tendre. Ouais. Ben, sur la réglisse. On dirait un tire écrasé. Oh, on dirait... oui, OK. Prends ton autre micro, s'il te plaît. Mais oui, on dirait vraiment... Vraiment, un pneu, hein? Parce que je trouve que l'apparence du côté où il n'y a pas les marques dedans, on dirait vraiment que tu vas manger genre du goudron. Ou tu sais... Vraiment? Tu sais, quand quelqu'un refait ton toit, là... Puis qu'il y a comme l'espèce de truc pour faire tenir les plaques de je sais pas quoi dessus. Là. C'est comme une espèce de gros goudron noir. Ça ressemble à ça. On dirait qu'on va manger vraiment un morceau de plastique ou une pièce de char. J'ai comme l'impression que ça va être caoutchouteux. Ça a l'air, hein? En tout cas, on va voir, là. Mais ça, c'est nos impressions. Ça, c'est le côté visuel. Côté odeur, fragrance, ça sent ce qu'une réglisse noire sent d'habitude. Ça sent l'anis. Ça sent l'anis.

Ah oui, là, c'est, on y va avec, mettons, bocconcini, puis tout ça, là, on tombe dans mes cordes. Mais le, pour un petit fromage là, de semaine, un goût de fumée. Là, T'as raison, un petit fromage de semaine, parce que les autres, les plus chers, t'es gardes pour les moments spéciaux. C'est ça. OK, allons-y. Oh my God! C'est parfait. Ça goûte exactement le goût de fumée. Je m'attendais à ce que ça goûte encore moins que ça. Mais Triscuit goûte toujours extrêmement fort. Les saveurs de Triscuit sont toujours exactes. Et c'est le cas. C'est merveilleux. Triscuit, pour vrai, c'est la vie pour moi. Je mangerais juste ça comme repas aujourd'hui parce que j'ai pas l'argent. Avec de l'humus. Avec de l'humus. Pas capable de me permettre ça. Ah, OK. Est-ce que tu as déjà goûté au Triscuit au vinaigre balsamique? Oui. D'abord, est-ce que tu aimes le vinaigre balsamique? J'adore. C'est très bon. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le goût aussi. Parce que, comme tu dis, le goût est très, très représentatif. Puis là, vraiment, là, ici, là, c'est du pur bonheur dans ma bouche. Vraiment. Je pense que mes triscuits préférés, c'est romarin huile d'olive. Mm-hmm. J'adore. Il y a poivre concassé et autre chose que je me rappelle pas c'est quoi. Hey, j'en veux un deuxième. Faut que j'arrête parce que là, je vais faire du bruit. C'est fou, hein? Ça sent, ça goûte le goût de fumée. C'est parfait. Pouce en l'air et très, très haut. Oh, ouais, vraiment. Mm. C'est dur à avaler, par contre. C'est magnifique. Mmh. C'est vraiment long à marcher. On va vous cruncher ça dans les oreilles pendant quelques temps. Soyez patients, tout le monde. Soyez indulgents. Une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse, la chronique dans laquelle on parle de nourriture malsaine, de malbouffe, que ce soit des nouvelles à l'international ou locale. Absolument, on goûtera quelque chose cette semaine. Colin, on goûte à rien. C'est la première fois, je crois, de l'histoire de cette chronique-là qu'on goûte à rien. Donc, pour essayer de peut-être patcher le problème, il faudrait qu'on goûte à quelque chose, même si c'est plate. OK. Même si c'est vraiment plate. Je pense que j'ai quelque chose à goûter. Ah ouais, je sais ici. Attends un peu. Ah ouais. On va manger des tic-tacs. OK. Des tic-tacs nature, Tania. Des tic-tacs nature? J'ai déjà goûté, ils sont super plates, mais il faut qu'on mange quelque chose, je peux pas m'en empêcher. D'accord. Donc, j'ai acheté un tic-tac, 200 tic-tacs. Je l'ai déjà mangé, même pas, tu sais, même pas, il est déjà ouvert. Mais gars, tu veux qu'on fasse? Pas d'argent, hein? Attention, on va ouvrir ça. C'est carré. C'est carré. C'est fait. Prends-en une dizaine, pour vrai. Moi, je veux que tu fasses le défi. Moi, c'est ce que je fais. Pendant le baseball, les aigles, tellement c'est plate pour mourir, je mange 10, excuse-moi, je goûte à 10 tic-tacs. Prends-les, mets-les dans ta bouche, tu vas voir, ils sont super sucrés, mais tu vas voir que le sucré reste pas là longtemps. Mais comme 10 en même temps? Ouais, vas-y. Là, j'en ai 5 dans ma main, puis je trouve pas que assez, j'en ai... Pas assez, mets-en d'autres. 7, 8, 9... Ah. C'est 100 calories en plus, là. On s'en fout. Oh, OK, excuse. Pour vrai, des tic-tacs, c'est 100 calories. Elle en a mis 11. Tu n'en enlevais une. C'est 5 calories pour 3 tic-tacs. OK, fait combien tu vas avoir de calories? 5 calories pour 3, ça veut dire 15 tic-tacs, c'est ça? 3, 6, 9 à peu près. Okay, attends, je vais compter voir si j'en ai vraiment le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est scientifique, ça. OK. Là, c'est quoi le défi? Tu les mets dans ta bouche, tu me dis qu'est-ce que ça goûte live devant. Moi, j'ai comme l'impression que ça va être trop genre fort. Tu vas voir. Je l'ai fait à tous les soirs, c'est sucré au début. Je suis mauviette un peu là-dessus. OK, j'y vais. 3, 2, 1. Étouffe-toi pas, là. C'est sucré, hein? Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais attends que la couverture de sucré... Ça goûte vraiment... Je sais pas si vous l'entendez. Bon. En fait, ça goûte pas grand-chose. Non, hein, c'est ça. Mais c'est quasiment plaisant au début. Mais quand t'es sus, tu vas voir qu'ils deviennent tellement mince. C'est très, très fort présentement. Ouais, hein. Je te jure, j'ai mangé... Tu sais, il y en a 200 là-dedans. Il en reste combien maintenant? Probablement genre une cinquantaine. À peu près. C'est parce que j'en ai mangé 150 depuis le début du baseball. Il y en a une rouge dedans. Oui, c'est parce que j'ai mélangé nos anciennes tic-tacs de d'autres sortes dedans. Parce que je trouvais qu'ils étaient trop forts, ceux-là. Tu vois comment je suis original? Oui, je suis là. Ouh, t'as une surprise! Ah! Est-ce que c'est comme le matelas avec le petit poids, là? C'est peut-être ça. Comment est-ce que tu veux que je parle maintenant? C'est ça l'expérience. Juste tic-tac. Juste que tu me dises comment ça devient menteux. Là, c'est vraiment menteux, hein? Je trouve ça trop fort, moi. Mais c'est parce qu'il y en a mis trop dans sa bouche. Ouais, mais sinon, c'est plate. Il y a aussi le fait que j'avais peut-être pas soupé avant les matchs. Fait que, ah, c'est peut-être ça, t'avais faim. Ouais, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est plus ça la problématique, Mathieu. Bref, on goûtait à quoi, là? Des tic-tac menthe fraîcheur en emballage de 200, rien à dire de plus. Hein? Ouais, exactement. Non, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Tu vois pourquoi j'essaie de trouver des produits plus c'est en Ontario, ça veut dire. Ah, je savais pas ça. Ontario, Canada? Ingrédients. Sucre. Ben oui. Amidon de riz. Wow. Arôme naturel et artificiel. Mais ils disent pas de quoi. 1% naturel, 99% artificiel. Exactement. Puis, il y a de la cire de carnauba. Oh, wow. Je sais pas c'est quoi. Zéro lipide, une glucide. Une glucide. Et un gramme de glucide par 3. Par 3, oui. Puis, un gramme de sucre par 3. Aïe. C'est une source négligeable d'autres éléments nutritifs aussi. Tu vois, nous autres, on avait une chronique négligeable de TikTok aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est menthe fraîcheur, c'est vraiment très frais. Tu sais, ouais. Comme j'ai les narines qui ont débloqué avec ça. Là. Tu penses quasiment que tu t'es genre lavé les dents tellement que c'est sérieusement, amant, c'est ouais. Comme même plus que me laver les dents. J'ai de la misère avec ces menthes-là. C'est pour ça que j'en prends 10 à la fois pour pouvoir vider le... Quand, ça, quand tu te les mets dans le joue, là, tu sais, exemple, tu les mets d'un côté pour pouvoir parler comme moi présentement. Et que tu les changes de l'autre côté, si tu vas passer ta langue de l'autre bord, t'es comme brûlé. Une gelure, une engelure. Exactement, un engelure ouais. De la tic-tac. Faites attention, n'en ouais. Mettez pas 10 à la fois dans votre bouche comme Mathieu le fait. Que tester sur des humains et se rhabiller. Écoute, c'est nous qui faisons des tests. C'est ici. Fait, c'est vraiment pas bon. C'est fou, 89 ans. Ça goûte juste la menthe dans ma bouche présentement. Là. Tu vois, je les ai pas aimés, c'est sûr que je les ai pas goûtés avec toi. T'as-tu ouais. Déjà fait le test à boire de l'eau en même temps que t'as 10 menthes à la menthe dans pas la bouche? En même temps, juste après, essaye-le. Tester sur des humains, man. Ouh, le petit vent de fraîcheur est ouais! Encore plus woo! Présent. Wouh! Wow. Oulule. Merci, Talia, de te sacrifier pour nous. Ça fait plaisir. Ça va être le moment de manger quelque chose, boire quelque chose. J'ai aucune idée qu'est-ce que tu nous as amené, hein? Parce que c'est le choix de Tania aujourd'hui. Voici une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse à la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire de la malbouffe, que ce soit quelque chose acheté à l'épicerie, au dépanneur, dans un magasin quelconque de vrac, je ne sais pas. Ça descend, c'est comme le déluge, comme la pluie de produits. Aujourd'hui, t'en as amené deux, Tania. Oui, j'en ai amené deux. Puis, je te dirais, Mathieu, que j'ai passé à ton côté salé et j'ai passé à ton côté sucré. C'est vrai que je fais tout le temps ça, je balance d'un côté à l'autre. Ouais. Et j'ai vraiment quelque chose de vraiment spécial. Une chose à la fois, hein? Oui, c'est ça. Puis l'autre, il est quand même assez correct. Tu sais, on se dit, ah, c'est pas si pire. Mais le premier... Pas pire santé, tu veux dire? Oui, il y en a un, je tiens à dire, il y en a un qui vient de la catégorie bio. OK. Puis l'autre vient de la catégorie des choses qui ne viennent pas d'ici. Ah, wow, étrangère, ouais, internationale. Exactement. T'sais. Alors, je prépare mon micro magique. Bien sûr. Quand même. Micro magique est toujours là pendant 7 jours, moins 3 heures à attendre qu'on lui ouvre la trappe. Êtes-vous prêt? Moi, je suis prêt. La première chose que je vais vous présenter, là, ce sont des chips à saveur de crevettes. Ça va bien avant. Et ça vient de la marque Nong Shim. C'est la même marque que plusieurs nouilles ramen que oui, j'ai déjà achetées. Exactement. Puis, écoute, je te dirais que les ingrédients, c'est vraiment des petites croustilles de riz, on dirait, par exemple. C'est ouais. Pas des chips normales, là. C'est, je pense pas que ce soit des patates, honnêtement. Parce que je vais vous lire quelques ingrédients. Farine de tapioca. Huile de riz, crevettes, farine de blé, l'huile de palme, du sucre, du sel, bien évidemment, et de la poudre d'assaisonnement aux crevettes. Il y a de la poudre d'oignon aussi, de la poudre d'ail, et ça dit clairement sur l'emballage qu'on tient crevettes, blé et soya. OK. Parce que sûrement que la saveur de la crevette en tant que telle n'était pas assez intense, donc ils ont rajouté plus de crevettes. Probablement. Mais ça existe, de la poudre de saveur de crevette. Tu sais, c'est une poudre de crevette qui a brûlé. Probablement qu'ils font des ramen à la crevette. Oui, oui, il y en a, oui. Sûrement. Tout à fait, oui. Ah. Sûrement, ça doit être rendu in. Oui, j'adore. Quand j'étais ça. Jeune, il y avait juste poulet, bœuf. Ah, oh, mais tu m'en pas les... poulet est tellement meilleur que bœuf. Oui, c'est vrai, ça. Moi, ouais, j'avoue. Alors, maintenant, ils font des gâteaux au fromage. Mais ça. Vraiment pas bon. Moi, je les aime. C'est parce que le fromage se ramasse au fond. Faut vraiment que tu brasses comme il faut. Ah. Moi, je pense que c'est parmi mes préférés. Moi, mes ramen. Sinon, ça au taille. Taille, là. J'allais dire taille. Tu me voles les mots de la bouche. Mais ils ont oublié un S à saveur de crevette. Non, c'est à la saveur de une crevette. De la crevette. C'est ah, de c'est la ça. Crevette. Ah, ok, c'est bon. Ça va être OK. Peut-être que t'as ouais. Raison même. Alors, je vais ouvrir le sac. Okay. Je vais m'en prendre une. J'ai hâte de voir sérieusement qu'est-ce que ça va goûter ou qu'est-ce que ça va sentir. Moi, j'ai bien hâte de voir parce que J'ai vraiment l'impression que je vais faire une drôle de face. Peut-être. Personne n'est allergique aux fruits de mer ici? Non, non. Hé, hey, une chance, j'ai pas pensé. On t'a entendu parler de la mère, de la fille qui est morte parce qu'elle a embrassé son chum qui a mangé une tartine au bar de pin? Oui, au bar de pin, oui. C'est écœurant. Fou. Arrête, ça, ouvre le sac avant de sentir. Mais ça sent pas. Hey, c'est la première fois que j'ouvre un sac de chips correctement à Mais tu le peux ouvrir par en dessous pour étendre la poudre. Oh non, je suis désolée. C'est vraiment des croustilles de riz. Je vais vous le montrer. Merci. Oups, t'en as échappé j'ai en échappé une croustille. C'est vraiment des croustilles de riz. Ouais, alors, Marianne, je vais t'en donner. Okay. T'en prends le nombre que tu veux. Je vais commencer par une. Je vais m'en prendre une. Ça me fait peur. Je trouve que ça ressemble à. Ça sent en fait les. Ça sent normal. Ça sent. Je sais pas trop comment dire qu'est-ce que ça sent en fait. Ben, moi, je trouve que ça sent les crevettes tempura. C'est oui, vrai. Oui, c'est ça. Ça sent exactement ça. Et ça sent les crevettes tempura. Quasiment les ramène à genre fausse odeur de ouais. crevettes un peu. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, est-ce que vous ça êtes prêts bon. À goûter? Est-ce qu'on goûte tous en même temps? Oui. Ouais. D'une seule bouchée, hein. Oh, mon Dieu. OK, 3, 2, 1, go. Mmh. Ben, mon Dieu, j'aime ça. C'est vraiment bon. Ouais, c'est très, très bon. Moi, je pensais vraiment que ça serait pas bon comme goût. Ben, voyons donc. Tu sais, la petite crevette congelée, pas bonne, ouais. Mais c'est drôle, ça goûte aussi ça. La crevette tempura. Oui. Oui. Oui, ben, j'imagine que la croustille de. Peut-être que les tempura, il y a un petit peu de riz dedans, j'imagine. Imaginez, sûrement. Trempé dans la sauce, là, à ta tempura, là, au poulet, ouais, là. Ouais, ouais, vraiment. Oh. Ça doit être, ça doit être débile. Dans sauce soya, même. Ah, aussi. Fais, est-ce que t'en veux une autre, Marianne, au cas où? Pour vraiment. S'assurer que le goût de la crevette est là. Ouais, je suis impressionné, je dois dire. Tu t'es procuré ça en épicerie? Oui. Génial. Au Provigo. Super. Okay. Oui, il y a une section au complet de croustilles un petit peu spéciale, là. Ben, il y a des choses qui viennent de l'Inde. Ouais. On avait déjà goûté à des bonbons indiens, si je ne m'abuse, ou russes, quelque chose. En tout cas, c'est là que je les avais pris dans la même rangée. Donc, ça vient de la même place. Génial. Alors, on regarde le deuxième pour plus tard. On va faire un petit bloc. Moi, je donne mon pouce en l'air. Là. On est supposé moi avec. Pouce en l'air. Ouais, pouce en l'air, les crevettes. Trois pouces en l'air, c'est fantastique. Mathieu, je te le disais, j'ai aussi pensé à ton côté sucré. Mm-hmm. Je sais que t'as quand même, je crois, la dent plus sucrée que la dent salée. Je te dirais que je suis 50-50 pas mal. Ah ouais, 50-50. Eh bien, je suis allée dans le côté végé, bio. Et là, je tiens à dire que c'est sans OGM et apparemment vegan. Ah, végétalien. Ouais. Il n'y a pas de gluten en plus. Et tout est en anglais. C'est vraiment juste écrit en anglais. Ils ont le droit de faire ça. Je savais même pas qu'il y avait... C'est ça au Québec? Oui. Wow. À la même place que les chips, les croustilles de crevettes. Ça s'appelle Barnana. Okay. Et apparemment que c'est le meilleur snack de potassium. Donc, j'explique. C'est censé être des tranches de bananes déshydratées. Déjà, mais, ça, c'est bon. Attention, attention. Tu sais, on a les bananes là, secs, cuites, tout ça. Ouais. Mais non. Là, c'est genre des jujubes, mais ce sont des vraies bananes apparemment. Donc, j'ai vraiment hâte d'ouvrir le sac parce que ça dit au dos, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Et là, ça dit 4 bananes, moins 80 % de son eau, plus un quart de coconut. Donc, il reste 20 % de l'eau. Il reste 20 % de l'eau. Wow. Oui, exactement. Puis, ça dit que c'est une très bonne source de potassium. C'est une super source de fibres. Ça a zéro sucre ajouté, zéro agent de conservation et zéro cholestérol. Wow! Mais pour 40 grammes, et si je ne m'abuse, le sac est de 100 grammes, vous avez quand même 130 calories. Est-ce que tu penses que ça va être gluant vu qu'il reste encore 20 % d'eau? Je sais pas, je me le demande. Hmm. Et les ingrédients, c'est vraiment juste banane bio, noix de coco bio. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. On l'ouvre? Ben oui, ouvre-le dans le micro magique, bien sûr. Et c'est refermable. En plus. Barnana. Oh mon Dieu! Hein? Texture, raconte la texture. Ça a l'air de des cubes de chocolat, en fait. OK. Ça ressemble vraiment à des cubes de chocolat. Ça sent la banane, là, à plein nez. Je te dirais que ça sent pas nécessairement la noix de coco. OK. Je sais vraiment pas comment décrire ça. Mais je vais te le montrer, puis je vais te passer le sac. Ah, ils sont recouverts. Non, ils sont pas recouverts. C'est même pas recouvert de chocolat. C'est peut-être broyé, là. On dirait vraiment un morceau de chocolat. Merci. Parce que on sait que la banane, du moment qu'il arrive quoi que ce soit, tu sais, mettons, on fait une poque sur une banane, ça devient brun. Ouais. Mais là, c'est vraiment brun, là. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été brunis? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été brunis ou c'est à cause de la noix de coco? Moi, j'ai l'impression que les petits morceaux qu'il y a dans le cube, c'est les noix de coco. Ouais. Le reste, tu sais, ça dit que c'est censé être juste des bananes. Alors, est-ce que ça a été des bananes compressées? Je pense que je vais faire la même chose que toi, Mathieu. Prendre en photo, hein? Je vais le prendre en photo. Parce que ça ressemble, pour ceux qui sont fans de science-fiction un petit peu, ça ressemble au bloc dans Futurama qui est la crotte du petit personnage de la petite bestiole. il chie en crotte noire de même, c'est vraiment pas mal ça. Alors j'ai... ce qu'il y a qui se retrouve parfois dans les barres tendres. Tu sais, l'espèce de petite gélatine dans les barres tendres, oui. Des fois. Tu trouves pas que ça sent un petit peu la réglisse noire? Ben, je trouvais que ça sentait tout à l'heure que la melasse. Ouais, la melasse, c'est exactement mais ça. Mais pourtant... C'est-tu des ingrédients, la melasse? Ça non? Dit que la melasse, c'est pas là. Ben voyons, on goûte, hein. On goûte. OK, on goûte, une bouchée, prêt? Moi. Tu y vas tout ça, là? Hey, c'est quand même un gros cube. Moi, je vais y aller la moitié, OK? T'es prêt? Go. 3, 2, 1. Ça goûte les bananes. Ça goûte les bananes, mais plus, non, il y a un petit goût qui est vraiment jujubesque. Oui. Qui est vraiment réglisse noire, vraiment anis. Ça goûte pas les bananes comme j'aurais pensé que ça aurait goûté. Mais il y a de la noix de coco. Même là. Tu sens le petit sucré de la noix de coco. Tu sens quand même la banane, mais oui, il y a cette espèce de côté-là que tu dirais, OK, il arrive d'où? Il vient de la melasse, mais en temps normal, non. Étrange, mais très bon. Ça dit vraiment ingrédients, banane et noix de coco. Absolument, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien, il n'y a aucun nom. Ben voyons. Alors, est-ce que la banane déshydratée goûte la melasse? Finit par goûter la melasse. Une bonne expérience, un Barnana de Super Potassium Snack. C'est quand même dispendieux, 5,49. Oui, je voulais dire que ça a l'air fancy pas mal. Puis le ouais, sac est ça. Même pas à moitié rempli. Je sais. c'est quand même quelque chose. On va mettre évidemment les informations de ces produits-là sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Je suis bien en retard là-dessus, mais je vais me reprendre pour... d'habitude, je finis par clencher tout ça une fois de temps en temps. Donc, Barnana, et j'aime particulièrement leur nom et leur logo. Oui, oui, oui. Très, très beau. J'aime le goût. Je donne un pouce en l'air, en moi fait. Moi aussi, pouce en l'air, oui, oui. Absolument. Tu sais, sérieusement, je mangerais ça au lieu de manger des gros bonbons pas bons. Oui, mais ça va coûter cher à la longue. Oui, voilà. Barnana, c'est ce qu'on a goûté. Et je vous rappelle le produit qu'on a goûté précédemment aussi. C'était quoi le premier qu'on a goûté? Les croustilles à la crevette. Voilà, de à marque. Saveur de crevette. Noumouchimou. J'ai. Nongchimou. On a pu débloquer un budget. On vous en reparle dans quelques instants. Donc, commençons la chronique avec son intro à proprement dite. Voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, la chronique dans laquelle on découvre des produits du tiroir, c'est-à-dire des produits achetés en épicerie, en magasin, grande surface, en dépanneur, dans des endroits comme ça, des allées où on ne devrait pas trop aller parce que c'est des affaires sucrées, salées, piquantes, des choses super chères, des choses touristiques peut-être dans d'autres pays du monde qu'on est allé chercher. Et cette chronique de cette semaine est rendue possible grâce à la participation de téléspectateurs comme vous à la maison. C'est vous qui avait aidé à choisir ce produit et à nous l'amener. En fait, c'est un fan qui est venu nous porter ça en oui. Studio. Donc, on va goûter aujourd'hui à de la couen de porc. Oh my God! De la couen de porc, ce qu'on appelle en anglais des pork rinds. Ça me stresse un peu. Ça, c'est spécial, je sais. Ça me stresse. Ça me fait penser à des oreilles de Christ. Oui, tout à fait. Un petit peu. Donc, lisons un petit peu sur la couen du porc. OK. Hein? La couen du porc, c'est sa peau échaudée, puis flambée et raclée, utilisée en cuisine. On a aussi de la sauce à la couen, okay. Qui est français, donc c'est apparemment apparenté au gigouri dans les Charentes. C'est un plat réalisé dans les fermes du sud Poitou. T'as la couen qui est une voie d'une seule longueur en escalade. C'est pas ce qu'on va manger, on mangera pas ça. Les frères couen, aussi un groupe de rock, c'est pas ce qu'on va manger. Non, non. C'est pas Pierre Quenders non plus, l'artiste de musique du monde qu'on joue souvent, c'est fou. Ce n'est pas lui qu'on va manger. Donc pork rind, c'est donc la peau d'un cochon. C'est un des ingrédients communs dans les saucisses. Ça aide à améliorer la consistance des saucisses. Ça peut être frit ou rôti. Et son gras peut être une bonne collation, nous dit-on sur Wikipédia. Mm-hmm. Faire frire ça ça va réduire considérablement en grandeur quand tu le fais cuire. Le produit peut aussi être connu sous d'autres noms comme pork scratchings, des égratignures de porc, et du pork crackling au Royaume-Uni, apparemment. Donc c'est ça. C'est du pork rind, des couen de porc. C'est ce qu'on va manger. Ça s'appelle en fait les chicharrones. Les chicharrones de la compagnie Hogs Haven. Et on va goûter à la saveur. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait d'autres saveurs. En fait, notre téléspectateur Vedette nous a fait choisir, en fait, entre deux sortes. Est-ce que tu te rappelles l'autre saveur? Oh mon Dieu, attends, c'était original. Bon, tu vois, c'est pas très original quand ça s'appelle original. Celle qu'on va goûter aujourd'hui, c'est Mesquite Sweet and Wild and Mild, Barbecue. Donc, mesquite sucré et barbecue légèrement piquant. Donc, quand même assez relax dans sa fonction buccale, comme on pourrait dire. J'espère. Mm-hmm. Parce que moi, plus le piquant... Ah oui, ça fait deux. Ah, ben moi, c'est. Je sais, toi, t'aimes le piquant. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre ceux-là, Mathieu. Ah, c'est pour ça. Moi, j'ai pensé à toi. On s'est rejoint. Je suis une co-animatrice demain. En fait, tu me dis que l'autre était original. En fait, l'autre était piquant en tant que tel. C'était encore plus piquant. Ok, c'était encore plus piquant. Donc, t'avais Mesquite Sweet and Mild Barbecue et t'avais le Hot. Hot. Puis la preuve en photo. Okay. Donc, lui, il s'est acheté ça. Il y avait un sac gratuit. Donc, c'est pour ça qu'il me l'a fait parvenir, j'imagine, par sa générosité. C'est vraiment cool. Donc, Chicharrones, ça dit le slogan. On le remercie, mais on n'a pas le droit de le nommer. Non, on le remercie, mais c'est ça. On le remercie. Donc, c'est, le slogan est Put a little south in your mouth. Oh boy. Mettez un peu de sud dans votre bouche. Hein? C'est bon jusqu'au 22 août. Oui. Donc encore, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit drôle. Dans votre bûche? Non, je sais. T'aimes pas ma façon de parler, hein? Non, c'est beau. C'est dans votre tête. Si tu penses à différentes bouches qu'on pourrait avoir sur le corps. Ingrédients. Ça va être sud, moi. Ingrédients, donc t'as de la peau de porc frite, pork skins. T'as du sel, du sucre, du paprika, du sel, du yeast, c'est de la levure de torula. OK. Des épices, glutamate de monosodium, poudre d'oignon et poudre d'ail, maltodextrine et de la saveur de fumée de mesquite naturelle. Ça peut contenir jusqu'à 30 ppm de sulfite. C'est distribué par MRB's Snacks and Associates à Good Hope, en Géorgie. Okay. On reste dans le country en Géorgie quand même. Ben oui, quand même. Quand même. On reste dans le South. Dans le South, exactement. Voilà. J'ai mis un TH dans exactement. Exactement. Une fois que tu commences à dire des TH partout, t'en mets pas. Je regarde le sac, il est transparent derrière. La poudre s'est ramassée dans le fond. Oui, je sais. Vraiment. Mais c'est parce qu'on doit dire que ça le fait un bon bout de chemin à dos de moto. Là. À dos de cheval. Pas à dos de cheval, à dos de moto. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Il nous a demandé même où était le stationnement de moto pour pouvoir venir nous porter ça. Exactement. Notre téléspectateur qui vous représente, vous tous, la communauté. Voilà. À des requins. Donc, je suis en train de brasser le sac de haut en bas. Tel un jerk shirt dans la crème de tantôt, caché en dessous de la table avec ma manche par-dessus et une fausse main. Ah, j'aimerais tellement ça qu'on ait une caméra juste pour que les gens puissent te voir en studio présentement. Arrête de défaire le fait qu'on n'a pas de caméra. Caméra 3. Caméra 3. Sois l'aiguilleuse correcte. Faut pas tout révéler nos secrets, Tania. Les gens savent pas, on a peut-être une web télé. Ah, peut-être. On est peut-être sur la web télé. Web télé, assemblage Reiki, ça serait pas pire. Ça serait hot, hein? Donc, je pense que j'ai assez brassé la poudre. Mm-hmm. Je vais être un petit peu par-dessus et en-dessous et de tous les côtés. J'ai hâte de savoir, parce que je te l'envoie et on va pouvoir ouvrir. Ooh, oui, c'est dans le micro magique. Chicharrones Mesquite Sweet and Mild Barbecue. Micro magique qui nous attend depuis une semaine encore. Chicharrones. Oh non, c'est le genre de sac que j'aime pas ouvrir. Moi non plus, ça va faire des miettes partout. Fais attention au studio. Je te promets que je fais attention. Arrive. Ça va être ouvert tout croche. Ben, ok, es-tu prêt? J'ai les mains moites. Est-ce qu'on va avoir besoin de ciseaux? Ah, je pense que je l'ai. Attention. Ah! Oh! Là! Ça va me débloquer les sinus, ça, je pense. Ça sent la cabane à sucre, là. Okay. Ça sent les oreilles de Christ, je trouve. Mais j'ai hâte de voir si ça goûte comme les oreilles de Christ. Je sais pas. Je dois avouer que... Je sais pas si j'en prendre deux pour voir la différence, mais j'en ai une qui est vraiment très orange puis l'autre beaucoup moins. Mais j'ai hâte de voir si ça goûte vraiment comme les oreilles de Christ. Oui, vraiment hâte. Et hâte de voir si la saveur ajoute de plus. Bon, donc moi aussi, je vais y aller avec l'odeur. Ça sent gras, je trouve. Oui. Vraiment. Ben, ça sent le porc. Si ça avait été dans un sac de papier, le sac de papier aurait été détrempé d'huile, j'ai l'impression. Ça a l'air... ça ressemble à des... visuellement, tu sais, les rondelles d'oignons qu'on achète dans les magasins à 1$, truc, là. Tu sais, c'est comme tout transparent. Oui, c'est comme, c'est comme orange. Ouais, bleu jaune. Un peu, ouais, c'est ça. Oui. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, je vais en prendre un qui est un petit peu gros, un tortillé, tiens. Et on voit que c'est vraiment comme des croustilles de riz quand tu le regardes vite. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression que ça goûte pas les croustilles de riz. Non, je pense pas non plus. Est-ce qu'on y goûte? On y goûte tout d'un coup ou une bouchée? Je sais que t'es du style tout d'un coup. Moi, c'est d'un coup, toi, c'est de plusieurs coups. Fais comme ça de temps. On y va, go. Ah! C'est Ça goûte les oreilles de Christ. Ouais. Mais moins. Plus moins comme dur. Si avait, comme s'il y avait mis de l'air dedans. Ouais, en fait, ça a été comme gonflé un peu. Tu sens que ça a l'air léger, presque comme goût. C'est plus agréable en bouche que des oreilles de Christ normales. Mais, il y a quand même un arrière-goût d'oreilles de Christ pour moi. Oui, vraiment. Ben, c'est du porc. Tu sens le petit cochonnet. C'est de la couenne. Oui, ouais, c'est sûr, ça. Le petit cochonnet. Le goût en tant que tel est pas trop intense, même que je dirais que c'est marqué Mesquite Sweet and Mild Barbecue, donc ça doit être comme barbecue sucré. Je trouve pas qu'il est tant sucré que ça. Je trouve plus barbecue. Ouais, ok. Je sens pas tellement sucré. Je vais essayer d'en sucer une, voir. Ah ouais? Suce la couenne. Suce la couenne. Puis? Non, pas sucré du tout. Pas sucré, hein? Non, c'est même un petit peu piquant. Mais ouais, quand même. Mais je pense que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les oreilles de Christ quand on va à la cabane à sucre. J'en mange une tonne quand je vais là. Je suis pas capable à cause que c'est trop dur. Mais là, j'apprécie quand même plus le goût à cause que c'est beaucoup moins dur. Ouais. C'est très léger. Ça se mange bien. T'es quand même satisfait d'avoir un petit peu de croquant. Mm-hmm. Je pense pas que ce soit santé. Non, je pense pas. Je pense pas genre on va passer au travers du sac aujourd'hui. Mais ça ressemble énormément à... mettons que t'achètes des petites croustilles, là, genre... tu sais, avec le sac bleu pâle. Oui. Ça goûte un peu ça. J'aurais l'impression de manger des petites croustilles santé dans... Mais je suis pas certaine que ce soit super santé. C'est ça. Bref, moi, j'aime bien. J'aimerais essayer les autres saveurs. Je suis pas sûr que c'est le genre de collation que je mangerais fréquemment. Moi non plus. Mais j'en remangerais facilement. S'il y avait un bol de ça devant moi, je le viderais facilement. Hmm. Donc, pouce en l'air pour moi. Toi? Ouais, pouce en l'air aussi. Pouce en l'air. Tania Baudin, on va le rappeler, peut pas parler beaucoup cette semaine. Elle a un problème de gorge et elle a une job importante en fin de semaine, donc elle doit reposer sa voix. Mm-hmm. J'ai demandé de me tenir compagnie quand même un petit peu, juste pour le fun, parce qu'on va goûter à quelque chose dans la prochaine chronique. Elle serait plate de le faire tout seul. Elle a accepté. Donc, voici une grosse pointe tendresse. Ah, c'est une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on mange ou on boit des choses absolument ridicules. Dans quelques instants, on va justement goûter à notre produit de la semaine. J'ai envoyé Tania nous rapporter des verres. J'ai oublié de ramener. Donc, nous commençons avec des nouvelles du fast-food et c'est un camion. En fait, deux camions qui ont fait un accident dans le New Jersey sur une autoroute complètement stupide et absolument inutile à savoir. Là, mais un camion de viande de délicatessen et un camion de pain ont fait collision sur une autoroute du New Jersey, ce qui donnerait d'excellents sandwichs s'ils avaient pu foncer sur une bonne fontaine de mayonnaise. Et je me demande tout le temps comment ça fait qu'il n'y a pas de bonne fontaine de mayonnaise. C'était sur l'autoroute 287 à Piscataway, au New Jersey. Piscataway, ça me fait rire comme nom de ville. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle-là. Ça n'avait absolument pas la peine de la faire, mais ça nous donnait juste assez de temps pour ramener Tania Baudin. Salut! Mm-hmm. Ah, des verres réutilisables. Mm-hmm. Des verres de plastique. Il y avait ça à Chasse-Galerie. Mm-hmm. Et ben, je me serais attendu à des verres de café jetables, mais tant mieux pour l'environnement. Hein, ils devraient faire ça à Chasse-Galerie, t'offrir par défaut un verre réutilisable. Et si tu le demandes, pour emporter un verre pour vrai, la nature, l'environnement. Eh oui. Donc Tania, aujourd'hui, je vais te faire goûter à quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'ai vu ça au dépanneur pour la première fois la semaine passée. Je m'en suis acheté un, mais je l'ai pas encore bu. Et je l'ai laissé dans le bureau ici, donc il était rendu chaud. Okay. Alors, je suis passé au dépanneur, littéralement, en acheter des froids pour qu'on puisse mieux boire. Et je vous rappelle, comme la semaine passée, que la chronique Une grosse pointe tendresse est rendue possible grâce à la participation de téléspectateurs comme vous. Mm-hmm. À la maison, on fait comme sur PBS. C'est grâce à vous qu'on a pu goûter à ces produits-là. On s'est fait envoyer quelques dons. Donc, nous voilà en train de boire peut-être ces jolis produits. C'est les produits de Bob Marley. C'est pas le genre de choses que j'achèterais normalement. Genre, ces écouteurs Bob Marley. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bob Marley? Des vêtements, je pense, des t-shirts, posters. Mm-hmm. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a pas? Oui, de la drogue. Mm-hmm. Peut-être de la drogue. C'est pas mon genre, mais par contre, les boissons, tu sais que j'aime ce qui est rafraîchissant, j'aime ce qui est sucré, j'aime ce qui goûte quelque chose. Donc, je crois que ça va être ça parce que j'ai apporté deux saveurs de One Drop. C'est des boissons au café de première qualité. Par Marley Beverage Company. Il y a sa face et ses cheveux sur le devant de la canette. Et les deux saveurs que j'ai choisies, il y en avait quatre au dépanneur. J'ai choisi Banane Royale, donc à saveur de Banana Split. Et j'ai choisi aussi tourbillon, vanille et chocolat. Hmm. Mm-hmm. Les autres saveurs, je les ai pris en photo au dépanneur. Laisse-moi retrouver ça. Il y avait aussi... les deux autres étaient plates un peu. C'était vanille tout seul et mocha tout seul. Donc, je me suis dit, tant qu'à prendre vanille et mocha, je vais prendre tourbillon, vanille et chocolat. Ça va être la même affaire, mes deux ensemble. On se comprend. Il y avait aussi, dans le même dépanneur... il y avait les Mellow Mood par la même compagnie, Marley Beverage Company. Les saveurs étaient citron et agrumes, pêche framboise, miel, thé vert et pêche framboise, thé noir. Il y avait aussi, attention, framboise, thé limonade. C'était des boissons d'eau pétillante. Mm. Donc je me suis dit que ça ferait peut-être un petit peu plate, parce qu'on a déjà goûté à quelques fois à des eaux pétillantes. Donc des boissons de café pour être un petit peu plus intéressantes. Détail sur la canette, ça dit naturellement aromatisé. Il y a même le petit icône d'un cornet vanille chocolat sur la vanille chocolat et de banana split en genre de petit un petit icône super cute. Ça dit donc savourer le moment. Gâtez-vous avec ce délice succulent combinant les arômes naturels de banane au riche chocolat et à notre mélange franc de café jamaïcain. One Drop combine les ingrédients naturels les plus savoureux à la passion de Bob Marley pour la vie. Hein? Afin de vous inciter à savourer chaque moment de la vie une goutte à la fois. L'autre canette, elle, j'imagine que le texte est différent parce que ça parlait vraiment de banane et tout ça. L'autre, évadez-vous avec notre version du mariage classique de vanille douce et de chocolat. Oh, de chocolate. De chocolate riche combiné au goût franc de notre mélange de café jamaïcain. One Drop combine les ingrédients naturels les plus savoureux à la passion de Bob Marley pour la vie afin de vous inciter à savourer chaque moment de la vie une goutte à la fois. Donc, sans édulcorant artificiel, sans saveur artificielle, sans couleur artificielle. Pour les deux canettes, leur site web est drinkmarley.com. Les deux canettes sont recyclables ou remboursables là où prescrit. Hein? Je vois pas vraiment d'autres informations pertinentes à vous dire. Ah tiens, les ingrédients peut-être. On l'oublie des fois. Donc ça contient du lait bien sûr, c'est une boisson de café. Donc café, évidemment les gens boivent ça avec du lait d'habitude. Préparé avec un mélange de café jamaïcain de première qualité, eau triplement filtrée et café, lait faible en gras, sucre de canne ou... pur, saccharose, arôme naturel, pectine, carbonate de potassium et cacao traité à l'alcali. Ça c'est pour la tourbillon chocolat vanille. L'autre là je le lirai pas parce que ça risque d'être pas mal redondant. Ça dit de servir froid ou avec des glaçons. Ce qu'on n'a pas, malheureusement, mais c'est froid dans le sens que je viens littéralement de lâcher du dépanneur dans un réfrigérateur. Donc, il est encore parfaitement température froide. Ça dit boire d'ici la date de péremption pour une saveur, pour une saveur optimale. Je vais chercher un peu. On est en septembre 2017 pour la date. Ouais, et l'autre, c'est... Ouais, septembre 2017, les deux. Je pense qu'on est encore correct. C'est des 325 ml, un petit peu format, je dirais, Red Bull, à peu près. Peut-être un petit peu plus gros, il me semble. Donc je vais t'en passer, je vais te passer les deux. Ok. Ça te tente-tu? Merci. On a un public en studio que si ça l'intéresse, je veux pas le mettre on the spot, mais si ça lui intéresse de participer, on a de la place pour lui. Si ça lui tente. Il est parqué dans 15 minutes, hein, c'est ça? C'est ça. Malheureusement. Donc on va ouvrir ça dans le micro magique. Tu l'as pas fait dans le micro magique, Tania. Ouvre l'autre dans le micro magique, s'il te plaît. Ah voilà. Oui. Le plaisir à mes oreilles. Ça sent... en tout cas, là, on ne peut pas avoir ses réactions sur l'odeur parce qu'elle n'a pas de voix. C'est un petit peu dur. Je vais me forcer ici, oui. Là. Mais celui à la banane, il sent le sirop à la banane. Ah, est-ce que c'est la banane chimique, genre, anti... comment on appelle ça, le médicament? À banane. Oui, le sirop à banane. Non, c'est quoi ça? Un antibiotique? Oui. Oui. Puis... L'autre, il sent vraiment le lait au chocolat. Bon, c'est ce qu'on veut. Donc, on s'attend. Si ça inverse les deux en même temps. Ah, Tania, t'es une vraie cocktailo mixologiste. Ah oui, c'est ça. Oui. On veut ça. On n'entend pas le versement. Maudit. Ah, hey, Tania, elle a versé des verres pleins. C'est incroyable. T'es folle. Est-ce que t'as versé la canette au complet? Presque. Presque, hein? Il en reste juste un petit peu. Écoutez ça. Écoutez ça. Ouais, shake, shake, shake. Fais un petit peu comme en Jamaïque. C'est ça, en Jamaïque, qu'est-ce qu'on fait comme instrument de musique? C'est djembé? C'est quoi? C'est ça qu'on fait en Jamaïque? Non, on fait pas ça. Là, Mathieu, tu veux-tu goûter aux deux? Je suis parfaitement ouvert à goûter aux deux. Mais là, c'est parce que... Je pensais que t'allais en laisser dans la canette pour pouvoir en boire toi, puis moi donner le verre. Psychologiquement, t'es pas tant là. Hein, c'est... Et pas réveillé, et juste malade. C'est ça. Je pense que je vais goûter aux deux, puis après, je vais te les goûte les deux en même temps, Tania, je te regarde. Non. OK, je goûte à la banane. On rappelle qu'elle n'a plus de... Pas de foie. C'est quoi l'affaire que t'as plus? La vésicule biliaire, elle peut boire sans sein. Celui de la banane, il goûte pas ce que ça sent. Il goûte pas tant la banane? C'est peut-être à cause de mon mal de gorge. Okay. Mais il goûte plus le lait qu'il goûte la banane. Okay. Je vais maintenant goûter celui là, on n'a pas vanille et chocolat. Prends de l'eau pour t'enlever le goût de dans la bouche. Ok, bonne idée. Fais la job comme fou. Comme ça. Dis-le donc, Tania, qu'est-ce que c'est? Ok, ah, parfait. Là, j'ai goûté celui vanille et chocolat. Ah, tu vois, le vanille chocolat, là, il goûte pas mal plus le chocolat que la vanille, je trouve. Comment tu disais? Je disais que celui vanille chocolat, il goûte pas mal plus le chocolat que la vanille. OK, OK. Fait que j'ai goûté aux deux. Mais un cornet d'habitude trempé dans le chocolat, tu vas goûter plus le chocolat. La vanille, comme passe plus c'est en arrière. C'est vrai, t'as raison. Arrière, mais ça goûte vraiment le lait au chocolat. OK, OK. Donc, puis, un quick. Oui, vraiment. Puis l'autre, il goûte vraiment comme le lait à la banane. OK, OK. Je vais faire le tour, je vais aller téléporter. Merci. Pour pas tout. Ouais, vu que tu as versé tout le contenant dans un verre au lieu de me redonner en canette. Merci. Ah, Colin, le service aux tables. Banane en premier. Je pense que je l'aurais deviné par contre. Hein. Chocolat seul. Okay. Je vais goûter chocolat en premier. Tiens, juste pour voir. J'ai pas d'eau, je pense, pour me gargariser ça. Ah, merci. Tania est tellement. T'es tellement de service, Tania. Attention, je goûte chocolat et vanille. Ça goûte un peu les... Il y a des Monster Java. Je sais pas si tu as déjà goûté Monster Java. Ça goûte vraiment pas mal ça. C'est très, très réussi. Ça goûte vraiment comme un shake. Vraiment comme si on avait laissé même fondre. Ça goûte le fond d'un bol de crème glacée. Peut-être pas napolitaine, mais mettons genre vanille chocolat. T'aurais comme fait un petit mélange. T'aurais mis un couillis de chocolat sur ta crème glacée à la vanille. Ça goûte comme si t'avais laissé fondre ça et que tu buvais ça. C'est charmant. Moi, je le boirais avec une paille. Je pense pas que je le mettrais sur glace parce que ça viendrait diluer le goût. Je mettrais peut-être des billes de métal ou d'aluminium, je sais pas trop comment on fait, qui sont froides dans le congélateur et qui vont pas se diluer. Oui. Je trouverais ça absolument fantastique. Avec une paille sur le bord de l'eau, sur le balcon, peu importe, c'est super rafraîchissant. Je boirais ça probablement avec... je prendrais peut-être... je sais pas, qu'est-ce que je mangerais avec ça? Ça dit ça fait avec du lait faible en gras quand même. Ouais. Ça fait déjeuner un peu. Je mangerais probablement genre des toasts au Nutella avec ça ou des toasts au beurre de pin avec ça comme déjeuner. Mais c'est des boissons énergisantes, hein? Est-ce que c'est marqué énergisante dessus? Non, hein? Donc seulement non, pour rafraîchir. Non, c'est simplement dit que c'est fait de base de café. OK, OK, j'aurais pensé avec Bob Marley que c'était pour te mettre sur un high, mais en même temps, non, je pense que... Bob Marley a beau tout le temps être sur un high, avait beau, je pense qu'il est mort, avait beau être sur un high tout le temps, je pense que son but c'était d'être chillos, de relaxer. Donc je pense que c'est normal que ce soit des boissons énergisantes. J'adore à date celle au chocolat vanille. Une dernière petite gorgée pour être sûr. Peut-être à gargariser un peu. C'est juste assez sucré, pas trop, tu te tannes pas vraiment. Moi je calerais probablement cette canette-là en dedans de 3 gorgées. J'adore celle au chocolat vanille. On va essayer banane. Oh, merci de m'avoir laissé la bouteille d'eau de ce côté-là. Mais je te prends ça. Juste pour me refaire la bouche un peu. Je vais vous dire à la fin que je vais probablement vous conseiller ces achats-là. Donc, maintenant que le palais est bien propre, banane royale. Écrime. Ça goûte vraiment très gros, la banane. Ça me rappelle un peu le... Je te dirais pas que ça me rappelle l'antibiotique. L'antibiotique était vraiment plus sucré que ça, il me semble. Ça me rappelle vraiment plus la saveur de des petits... tu sais, c'était comme les bananes fondantes dans la bouche. C'était comme pas des jujubes, mais comme des mousses bananes un petit peu. Ça me rappelle plus ça. Ça, c'était quand même bon. J'aime beaucoup la saveur, mais je pense que je m'étonnerais plus vite. Celui-là, je le prendrais peut-être une fois de temps en temps. Mais chocolat vanille plus souvent. Vanille tout seul et mocha, s'ils sont un petit peu plus fades que vanille chocolat, je les boirais plus fréquemment. Donc, j'irais en ordre les classiques. En troisième place, le chocolat vanille. Et en dernière, la banane dans mon système. Même chose pas mal pour Tania, je pense, c'est ça. Donc non, moi je mets mon pouce en l'air pour ça. Et je mets mon pouce en l'air encore plus pour le fait que présentement, je vous dirai pas nécessairement, je ferai pas de pub pour la place où j'ai acheté, mais dans un dépanneur, je l'ai vu à 2 canettes pour 5$. Donc c'est quand même relativement abordable pour ce que c'est-à-dire un produit un petit peu luxueux. Tu te gâtes un petit peu avec ça. C'est pas un produit que t'achètes à tous les jours. Donc Bob Marley Company truc avec banane royale et tourbillon chocolat vanille. Moi je mets mon pouce en l'air assez fort. Tania aussi? Salut Linton! Bonjour Mathieu Plante! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, je crois que c'est la première fois qu'on se parle en tant que co-animatrice ou en tout cas participante volontaire à l'émission. Ouais, hein, parce que faire forcer. D'habitude, je suis pas ta volontaire. D'habitude, c'est une invitée spéciale pour écouter en spectacle ou peu importe. Ouais. Et là, ben, Colin, t'es souvent dans les parages? Ben, souvent plus pour venir voir Tania que moi. Mais par la bande, tu viens me voir quand même, tu miaises pendant une demi-heure, puis après ça, tu t'en vas. Hein? Ouais, ben, trop, ouais, plus que le 3 quarts du temps, je dirais. Environ, environ. C'est comme mon passe-temps préféré quand je passais à l'université. c'est elle qui, dans le Mathieu Plantu, il y a quelques semaines, quand je riais, elle me faisait des mimes derrière l'écran pour me faire rire. Et cette fois-ci, dans Sexist Santo, elle m'écrivait des affaires sur ma feuille pour me faire rire encore. Et ça fonctionne toujours, mais j'essaie de garder mon calme, pas trop faire de référence pour l'auditeur commun. Effectivement. Effectivement, mais faut être professionnel quand même. C'est ça, je peux pas empêcher de faire d'avoir le sourire à la bouche quand je parle quand même. Ah, oh, je sais, je donne le sourire. Non, ben, tellement, tellement lumineuse, lumineuse, Linton, Linton. Donc, tiens, justement, Linton. Oui. Est-ce que t'aimes ça manger? Moi, si je pouvais manger à toute heure de la journée, je mangerais à toute heure de la journée. Je serais tout le temps devant le frigo, en fait. OK. Tout le temps. Tu t'en empêches? Ben, je suis pas tout le temps chez nous. Ah, c'est pour ça! Voilà! Tu manges jamais quand t'es à l'extérieur de chez vous. Ben, t'as une diète très très stricte, hein, un régime particulier. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai besoin de perdre du poids, là. J'ai besoin de perdre au moins 300 livres. Là, au moins, tu vas être dans les moins quelque chose, je pense, pas mal vite, par exemple. Il manque pas grand-chose pour être dans le négatif côté, côté poids. De quoi tu parles? Ah, t'es svelte, Linton. Donc, tiens, moi j'ai envie de manger quelque chose de vraiment malsain. Et je vais te forcer à le manger aussi. Tu vas me forcer, genre, tu vas me tenir la bouche puis me sacrer ça dedans, genre? Si tu me laisses faire... Voici une grosse pointe en l'air. Une grosse pointe d'adresse, la grenade dans laquelle on goûte à un produit du tiroir. Donc, un produit acheté dans le commerce, en épicerie, en dépanneur, dans la rangée qu'on devrait pas trop fréquenter, celle qui a les jujubes, qui a les liqueurs, les chips, les affaires qui ne sont pas bonnes pour la santé. C'est là qu'on magasine tout le temps. Et encore une fois, comme je l'ai dit depuis quelques semaines, la chronique d'aujourd'hui et toutes les chroniques d'une grosse pointe d'adresse sont rendues possibles grâce à la collaboration de téléspectateurs comme vous. À la maison. Allô! Vous fournissez des fois des produits à nous faire goûter et c'est le cas du prochain produit. Tantôt, Linton, tu m'as demandé en ronde, c'est quoi qu'on goûte? J'ai fait comme, mais n'as-tu jamais écouté Assemblage requis? C'est une surprise jusqu'à temps qu'on ouvre le sac. C'est pas ça. Mais c'est parce que je vais être honnête avec vous, là. J'écoute jamais la radio dans mon auto. Ah, boy! Hey, on peut bien. Ah, Colin, hein? Tu peux bien avoir une bonne relation avec nous autres parce que tu nous écoutes pas. Sinon, tu nous détesterais peut-être. Non. Sûrement. Sûrement. Bref, aujourd'hui, on va goûter à des chips que peut-être avez-vous vu passer dans les médias, à la télé. Il me semble avoir vu ces publicités-là une fois de temps en temps. Et ça faisait un petit bout que je voulais l'essayer. Ça me titille pas mal. C'est les nouvelles Lay's ondulées, sriracha et crème sûre. Il me semble que c'est un vraiment drôle de mélange. Ben, tu sais, on est habitué ici à avoir des chips pas mal épicés quand même. Il y en a de plusieurs marques. On est habitué à crème sûre oignon. C'est très populaire ici. Aux États-Unis, souvent, une saveur qui est très aimée. C'est quoi? Je l'ai perdu déjà. Attends un peu. C'est crème sûre et autre chose. C'est crème sûre et cheddar, je crois. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Il me semble, je vais chercher pour être sûr. Mais je trouve ça quand même moins bizarre que crème sûre et sriracha. Il me semble qu'à chaque fois que je suis ici et que je goûte des affaires, c'est tout le temps des affaires à sriracha. Ben, ça peut aller deux fois de suite. Oui, je me rappelle, t'étais venu une fois, c'était du ketchup au sriracha. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais raison, c'est bien crème sûre et cheddar qui est très très populaire chez Ruffles et Lay's. Ouh là là. Aux États-Unis. Moi, j'ai jamais vu ça ici. Moi non plus. Comme mélange, mais c'est bien bien bien populaire apparemment. Donc, ici, on essaie avec du sriracha. Oui, c'est très à la mode. En fait, c'était à la mode, v'là, quoi, 3-4 ans, sriracha, je pense. Il y en avait dans tout, là, tous les restaurants avec sriracha. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est un petit peu moins à la mode en ce moment et c'est là que Lay's saute sur l'occasion. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. C'est hein? Pas mal ça. Ils ont choisi de faire ça sur des chips ondulés. Je pense que c'est une bonne décision en tant que telle. Peut-être plus d'aération pour... J'essaie d'y aller technique. Là, mais t'sais. Quel rapport? Ça n'a absolument pas rapport. Faut bien remplir avec des affaires à dire maintenant. Ça a été fabriqué la semaine du 28 mai. Bonne semaine pour les chips. Mais on est quelle date? 4-5. Oh boy! Ça fait quand même un petit bout. Mais ça rebolle jusqu'au 9 août. Ouais, okay. C'est longtemps, bon longtemps déjà. Ça dit croustille assaisonné. Quand même. Tu sais? Ouais, mais dis ça sur toutes les... Les patates n'avaient pas de saveur de crème sure sriracha quand elles sont sorties. Non, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas cons non plus, là. Ah, des fois, on sait pas. Ouais, donc, toi, c'est vrai. C'est ça, merci. On commence, tiens, le texte en arrière. Comme toujours, ça doit être le même texte sur leur, tout leur sac, là. Comme toujours, tout commence avec des pommes de terre de qualité supérieure, simples, naturelles et saines. Nous les lavons. Ça commence bien. J'espère. Les pelons. Ça pourrait être cool avec la pelure. J'aimerais ça avec la pelure des fois. Ça pourrait être le fun, non? Je sais pas. Croustillant un peu. Non. Et les tranchons avec soin. Scalpel! Puis nous les cuisons jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement croquantes pour leur donner une délicieuse texture ondulée. Incroyable jusque-là. Pour terminer, nous ajoutons des assaisonnements pour en rehausser la saveur. De délicieux ingrédients et des pommes de terre du terroir. Eux, ils connaissent pas l'expression du tiroir. Non, c'est ça. Ça c'est bon. Pour vous offrir des croustilles croquantes à souhait chaque fois que vous plongez la main dans un de nos sacs. Pas obligé de manger dans le sac, la chip, tu peux le mettre dans un bol. Effectivement. Maudit. Le bonheur est tout simple. Et leur slogan, Frito-Lay Canada, à Cambridge en Ontario, Kenville en Nouvelle-Écosse, Lévis au Québec et Taber. Taber. Et Lethbridge, Taber. T-A-B-E-R. Et Lethbridge en Alberta, Taber. C'est odd comme nom de ville. C'est pas plutôt genre... Taber, en tout cas. Ouais, on est au Québec, là, par la français. C'est franchement. Parmi les ingrédients, ça commence par des pommes de terre spécialement sélectionnées. Huile végétale, assaisonnement, huile végétale, sauce piquante rouge. Sauce piquante rouge déshydratée. OK? Depuis quand de la sauce piquante, c'est pas rouge? Je sais pas, hein? Matière sèche de glucose, c'est tellement rassurant. Matière sèche, c'est la nouvelle émission de métal le dimanche soir à 19h. Matière sèche de crème sûre, acide malique, extrait de levure, colorant, acide citrique, piment du chili, acide lactique, arôme naturel. Bon, il y a plein de parenthèses là-dedans. Ça contient, comme absolument chaque produit, du lait, toujours pour me nuire, et ça contient des ingrédients du lait. Là, j'ai vraiment fait le tour, il n'y a rien d'autre. C'est un petit sac, hein, pour vrai, comparé à beaucoup d'autres sacs de chips que j'ai vus, qui sont plus de grammes que ça, on va se le dire, dans le coin de 300, 265, des trucs. Ici, c'est seulement 170 grammes. On sent que le sac est léger. Il coûte le même prix que les sacs plus lourds, mais c'est parce que c'est un spécial, c'est une pâte spéciale. Mais c'est sûrement parce qu'ils sont moins bons aussi. Peut-être. Ils se sont dit, oh, on va leur en donner moins, ils aimeront pas ça pareil, fait que à place de faire du gaspillage. Exactement. OK. Donc, je te donne le sac, vu que tu nous as jamais écouté, parce que bon, tu sais, t'es au-dessus de ça, toi. Il va falloir que tu ouvres le sac dans le micro magique qui est le micro juste à côté de toi, si tu l'as pas reconnu. Donc, tu vas pouvoir te garnir la face de ce sac. Ouh, écrime! T'es, je dirais, 7 à 8 fois plus rapide que Tania sur l'ouverture de sac de chips. Oui? Elle est tellement lente pour ouvrir le sac. Elle se demande, bon, de quel bord je vais l'ouvrir. Bon. Ça a l'air de quoi, visuellement? Ben, ça a l'air de ça, les chips Ruffles all dress. Okay. Ben, ça a l'air de ça. Ils sont de la même couleur, même ondulation, évidemment. Est-ce que c'est une ondulation à combien de millimètres estimerait chaque creux Mons et Vallées? Je dirais, 4-5 millimètres. Ah ouais, tant que c'est des grosses, là, des gros Mons et Vallées. Ouais. Quand même, ça a du sens. Ouais. L'odeur est comment? Sriracha intense ou... Non, ça sent vraiment les chips All Dress Ruffles. OK. Très bien. Ouais. Ben, prends-en quelques-unes, comme ça te tente. Verse-toi-en sur une feuille, peu importe. Ben, c'est une napkin. Ouais, s'il te plaît. Ah, tiens, j'ai une napkin. Ça irait mieux, je pense. Flouk. Flouk. Tellement de service. Merci. On est là pour s'aider, peut-être. Exactement. Écoute, tu m'as demandé ça dernière minute de remplacer Tania. Oui, absolument. Je l'apprécie énormément que tu l'aies fait. Hey, t'es tellement gênée de participer à la radio, là, de même, là. Ouais, pas gênée, là. C'est juste que j'ai des commissions plus importantes que toi. L'autre fois, tu voulais pas venir parce que t'es gênée. J'en ai comme trop, là. Elle s'est versée, je pense, la moitié du sac parce qu'il y en a pas beaucoup dedans. Donc, je vais regarder ça. Moi aussi, je vais sentir un petit peu pour voir si t'as raison là-dessus. Parce que moi, je trouve. Ça sent pas autant le sriracha ou la crème sure. En fait, ça sent pas ça du tout. Je dirais quasiment que ça sent le cheddar un peu. Tu sais, les chips au cheddar, au gratin. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être un petit peu mélangé avec de l'adresse. Oh, elle a mis ça dans sa bouche sans la demander. Ok, je vais y aller moi aussi. Ouais. Ah, j'en prends une qui est pliée. J'aime ça les plier. C'est mes préf. Attends. Et où ma fille? J'ai pas. On dirait que je sais pas que ça goûte. Ça goûte encore le au gratin. Les ruffles au gratin. Ça goûte le fromage, voyons. Il y a pas de crème. Ça goûte pas la crème sure tant que ça. Ah, il y a un petit arrière-goût de crème sure. Très, très minime. Mais la sriracha, bof, on repassera. Tania, elle vient de m'écrire. Et jalouse, hein? Elle dit, t'es-tu à la radio? Ah! C'est Tania qui m'avait dit que tu voulais pas faire de la radio. Elle va prendre le temps d'y répondre en ondes. Hein? Prends le temps d'y répondre. Dis-nous ce que tu écris en même temps. Salut, j'ai dit beauté. Oui avec plein de i. Moi, si je fais ça avec comme une vraie fille. Là, hey, j'ai dit comme une fille, ça veut dire? Oui. Je vais prendre ma pliée, je l'ai retrouvée. Avec, tu sais, là, le emoji, je l'ai fait trois fois, cet emoji-là, mais tu sais, l'emoji qui pleure parce qu'il rit tellement. Ah, ouais. Mais celle-là. C'est bon, mais rien de nouveau. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un goût. C'est plate. Oui, c'est ça. C'est plate parce que c'est pas un goût nouveau. Non, pis, tu sais, quand tu mets quelque chose au sriracha, faut que t'en mettes beaucoup parce que faut que ça goûte le sriracha. Sinon, c'est décevant. Ça goûte la crème sûre qui aurait été à peine plus épicée. C'est pas assez, moi je mets mon pouce en bas pour ça. Toi? Ouais, effectivement. Ça reste des bonnes chips, mais il y en a vraiment pas beaucoup dans le sac et ça révolutionne rien. Donc je dirais que Lay's a un petit peu manqué son coup là-dessus. Mais ça en plus qu'ils sont au même prix que les autres sacs. Oui, c'est ça. C'est quand même cher les chips Lay's. Mm-hmm. Bon. Donc, c'était les Lay's ondulés, crème sûre et sriracha. Cette édition spéciale d'Assemblage Requis vous revient après la pause. Yay! Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Le plaisir d'écouter Assemblage Requis avec ce spécial Une grosse pointe en dresse. On est dans le mois de mars à août 2016. Tania Baudin. Et hey, Mathieu Plante. C'est notre troisième heure pour cette émission spéciale. Il y en a trois émissions spéciales que vous pouvez entendre pendant les fêtes, lundi et jeudi, comme toujours dans notre case horaire habituelle, sauf qu'à la place de faire deux heures, on fait des trois heures. Oui. Oui, des trois heures, 6h30 à 9h30. Et puis, ben, dans cette section-ci, on va être toujours au mois de mars à août. Donc, toujours l'été, toujours ensoleillé, toujours des trucs à boire. Je vous rappelle qu'on a beaucoup bu d'alcool. Ok, oui, on a beaucoup bu de soda aussi, oui, durant l'année, t'es glacé. Je pense que c'est la fois où on a eu le plus de choses à boire. Oui, absolument. Donc, on écoute ça. Une autre troisième heure tout de suite. Voici une grosse pointe all dress. Une grosse pointe en dresse, c'est la clé dans laquelle on achète un produit du tiroir. On y goûte, on l'achète en épicerie, en fait, ou en dépanneur. Et après ça, on mange une chose à la fois, étape par étape. On mange pas les affaires directement dans l'épicerie, c'est un manque de respect. Non. Tout à fait. Puis, probablement que vous feriez avertir. Oui, ou expulser. Ou expulser. Ça, puis, je pense, c'est ne pas porter de souliers, je pense. Ou de chandail, je pense. Ah ouais? T'as pas le droit d'amener un animal de compagnie, ouais, je pense. Pas le droit d'animal de compagnie. T'as pas le droit de rentrer en chest dans une épicerie. Oui, chest, ouais. T'as pas le droit de fumer. Pas le droit de skateboard. Pas le droit de skateboard. Et voilà. Pas le droit de patin à roulier. Non. Oh, voilà. Ouais. Et boum. Donc, le produit qu'on goûte aujourd'hui, je l'ai justement retrouvé en épicerie. Ça m'a vraiment surpris comme produit. En fait, non. Excuse-moi, j'ai trouvé ça au dépanneur. Encore plus. Ah ouais. Mais c'est le genre de produit que je n'avais jamais vu. En fait, c'est le genre de produit que je connaissais. Mais je ne savais pas qu'il y avait une version alternative de ça. Si je te demande, mettons, avec ton expérience que tu as à mes côtés depuis le mois de septembre passé, oui. Ma barre de chocolat préférée, celle que je dis le plus souvent que j'aime, c'est laquelle? Oh my God! J'ai dit récemment en plus. C'est pas la caramilk? Non. Parce qu'il y a du caramel dedans? Non. Ah non, mais toi, t'aimes vraiment gros le caramel, là? Oui, mais c'est pas au caramel. Ça l'indice, c'est pas au caramel. Oh Henry? Non, j'en ai parlé en intro d'émission, j'ai fait un jeu de mots avec ça. Ah, j'ai dit tantôt? Qu'on allait éponger quelque chose. Non? Tire éponge en rabais de chocolat. Ah, ben oui, la crunchy. Voilà. C'est pas très bonne à date. Non, je sais, je suis désolée. Pas très bon. Donc, mais je savais pas qu'il y avait une version alternative, c'est-à-dire fabriquée par une autre compagnie de ces barres de chocolat-là. Et j'ai trouvé la barre par la compagnie Mondou de tire éponge enrobée de chocolat. Sponge oh, ouais. Toffee Choc... Oh, et attention, c'est pas chocolate covered, Tania. C'est chocolat covered. Oh, chocolat covered. C'est vraiment est-ce fancy. Que, est-ce que tu crois que c'est une mauvaise traduction ou ils ont voulu se donner un air français? On va leur donner le bénéfice du doute, là, mais... T'as-tu remarqué qu'il y a ça de plus en plus dans les émissions? Ils lâchent des affaires en français pour avoir l'air fancy. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve tellement que ça sonne pas bon. Lingerie, tu vois. The lingerie. Mais chocolat covered, c'est pas la première fois que j'entends ça de ma vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme information? En dessous du rabat, je crois qu'il y a les ingrédients. L'enrobage, ça paraît que c'est pas un enrobage professionnel. Il est très, très trop collé. C'est difficile cheap. À défaire. Ben, c'est ça, c'est cheap. Hey, défais-le un peu. Pas? Non, mais je l'ouvre pas, je veux lire ce qu'il y a en dessous. Tu veux m'aider parce que tu sais que je vais tout le détruire. Hein? C'est comme pour un pot de cornichon, faut que je te le prie. C'est ça, faut que tu me le prie slack. You. You, dit-elle. Dit-il. Donc, ingrédients. You!

Donc voilà, c'était la barre de Mondou. Toffee, c'est quoi en français dessus? C'est tire éponge enrobée de chocolat. Oui, chocolat covered. Chocolat covered. Donc, 2 pouces sur le côté, c'est pas super gagnant. On veut manger ou boire quelque chose parce qu'on le mérite bien après autant de beau travail. Voici une grosse pointe tendresse. Ah, c'est une grosse pointe d'adresse! La chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, que ce soit acheté en épicerie, en dépanneur ou dans une rangée qu'on ne devrait pas fréquenter parce qu'il y a des criminels là-dedans. Hey boy! Faut se faire peur dans la vie des fois. C'est comme Donald Trump. Hey. Ils sont tous des violeurs, les Mexicains. Lui, il fait peur. Des tueurs, des vendeurs de drogue. C'est pas... C'est en tout cas... C'est on va se passer de tout commentaire sur Donald Trump. C'est exact. Donc, une grosse pointe d'adresse. Cette semaine, je me suis procuré et je t'ai procuré, je nous ai procuré à nous tous quelque chose à boire. Ouh là là, est-ce que c'est alcoolisé? Non. J'avoue que je devrais amener des choses alcoolisées une fois de temps en temps. Mathieu, un moment donné, il va falloir le faire. Ça serait le fun. On l'a déjà fait par le passé, mais pendant que Stéphanie Paradis était enceinte. Oui, c'est vrai, tu le disais. Ouais, c'est ça. Bref. On dirait que ça m'a marqué, puis j'ai plus racheté d'alcool depuis. Oups! Bref, aujourd'hui, je te présente un produit Starbucks. J'aime beaucoup les produits Starbucks qui sont sous la marque Via. J'ai déjà parlé même en ondes du café Starbucks Via, en petit tube. C'est du café instantané, mais qui goûte exactement comme un vrai Starbucks. J'ai adoré cette marque-là. Et là, ils ont fait un petit dérivé, un spin-off de cette marque Via, qui s'appelle Starbucks Via Instant. Ooh. Refreshers. Moi, le Starbucks, ça me parle tout le temps. Donc, Refreshers, comme dans leur gamme de limonade, style thé glacé, limonadeux un petit peu qu'ils ont chez Starbucks. Ça existe depuis quand même quelques années. J'ai toujours aimé leur saveur de trucs froids. Autant que le truc chaud. Ils font rien de mauvais, je pense, chez Starbucks, à mon avis. Donc, c'est ça, ils ont sorti leur Refreshers en petits sachets Via. Il y a plusieurs saveurs, celles que j'ai choisi de vous présenter. Et Orange Valencia. Ouh! Les autres, évidemment, je prends tellement de photos dans la vie qu'il faut tout le temps que je cherche 2-3 minutes où est-ce qu'il était l'autre. Tab Tapper. Tab Tapper. On va l'avoir. Ah, ici. Donc, il y avait aussi. Non, mais non. Lime rafraîchissante. Il y a aussi café glacé sucré. Et attention, c'est quoi l'autre? C'est écrit bien trop petit. Je suis pas capable de lire. On dirait des baies ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est berry quelque chose. C'est long! iCloud, qu'il faut qu'il charge mes photos et le Wi-Fi. Boy, hein? Le Wi-Fi marche pas. OK. Donc bref, il y a plusieurs saveurs. Orange Valencia est celle que j'ai choisie. Boisson instantanée qui contient de la caféine. Lisons en arrière du paquet. Un mélange éclatant d'orange Valencia et de clémentine, relevé de notes de cardamome, de jasmin et d'abricot. Avec du café vert pour vous revitaliser. Une boisson légère, vive et désaltérante qui renferme juste assez de caféine pour vous aider à attaquer la journée avec entrain. Bien. Green coffee. J'ai hâte. Eh ben. Contient de la caféine, 50 mg par portion. Ingrédients, sucre de canne, ça commence déjà par du sucre. Arôme naturel, jus de citron en poudre, acide citrique, jus de raisin blanc en poudre, érythritol, acide ascorbique, extrait de feuilles de stevia, donc pour édulcorer, encore, c'est un genre de faux sucre. Jus de fruits, en fait, je pense que c'est un vrai sucre, stevia. Non, c'est une plante. Oh, je pense que c'est une plante. En tout cas. Je m'aventurerais pas là-dessus. C'est sucré, mais... ça, je le sais. Jus de fruits et de légumes à titre de colorant et curcuma pour colorant aussi. Ah, ouais. C'est produit par Starbucks Coffee Company à Seattle, Washington. Leur site web est starbucksvia.ca. Date limite de conservation au bas de l'emballage. Bon, jusqu'en janvier 2017, ça se conserve quand même pas mal plus longtemps que je pensais, en fait. Quand même. Cool, ça veut dire que j'ai peut-être encore des sachets de café. C'est ça, tu pourrais regarder. Acheter chez Target, peut-être encore bon. Je sais pas. Bref, Starbucks Via Instant, on va ouvrir ça. C'est une blague. Je vais pas le boire, je sais que c'est pas ça. Je l'envoie. Vloup! Dans le micro magique. Toujours aussi patient. Ok, j'y vais. Oh, c'est tous des petits sachets. Oui, mais c'est ça, des petits. Ah, j'ai trouvé l'autre saveur qui était hibiscus fruité. Oh, hibiscus fruité, c'est tellement bon. Bon, ben, too bad, t'as de l'orange. Ah, Mathieu, c'est meilleur avant le 14 janvier 2017. Je viens juste de le dire, tu m'écoutes pas. Non, t'as-tu vu? Ça, bien. Ok, il y a même. Hey, c'est super facile à déchirer, là. C'est marqué déchirer ici. Tu sais, pour moi, c'est parfait parce qu'on se rappelle à quel point je suis pas capable de déchirer des affaires comme du monde. Non seulement t'écoutes pas, mais pas, t'es pas très bonne avec tes mains, c'est ça que tu veux dire. Hein? C'est pas ce que j'ai dit. Ça sent vraiment bon. OK. Ça sent vraiment très, très agrumisé. Je sais pas si c'est un terme. Je te le laisse. Merci. Mathieu, est-ce que tu veux que je te prête un sachet et j'en prends un sachet et je pense que ce serait on la bonne en fait chose chacun à faire, un verre. Je te prête ça, là. Merci. C'est pour ça que j'ai demandé à Tania tantôt d'aller chercher deux verres d'eau. Je vais en ouvrir un autre. Est-ce que tu pourrais nous indiquer comment est-ce qu'on doit faire le mix? Absolument. Est-ce que tu le sais ou tu veux que je le dise? Je crois qu'il faut verser le sachet dans l'eau et ensuite brasser et ensuite ajouter la glace. Exactement. C'est ça. T'as bien compris. Je pense qu'on s'est pas traîné de petits bâtons, par contre. Non, mais c'est bien grave. Est-ce que tu veux diverser le public pendant que j'y vais? Oui, je peux faire ça. T'es capable de faire ça? Je suis pas sûre. On va essayer. Je suis pas sûre que j'allais être capable de faire ça. 30 secondes, je suis revenu, moi. Ah, il y a du jasmin puis de l'abricot. Ça sent, par exemple, fais comme le tu fais jasmin. L'habitude, puis parle de choses que j'ai déjà dit. Mais c'est ça que je fais, parce que moi, plus tu prends de temps à partir, Mathieu, plus ça va être long avant que tu reviennes. Alors, de ce côté-là, je vous dirais que... Tout à l'heure, j'ai sorti l'expression agrumisé, là, mais ça sent vraiment aussi le... Ça sent pas le thé vert habituel. Là, je vais demander à Mathieu lorsqu'il va revenir, mais moi, je trouve pas que ça sent le thé vert habituel. Je trouve vraiment que ça sent un mélange de plantes comme le jasmin, là, une fleur, puis d'orange, mais de la cardamome, je sais pas c'est quoi. Il y a de la clémentine dedans, alors j'ai vraiment l'impression que... Ça ressort, mais Mathieu, dis-moi donc, est-ce que tu trouves que ça sent le thé vert? Ça sent le thé vert, attends. Je trouve pas que ça sent le thé vert. Moi, je trouve que ça sent vraiment plus le jasmin que le thé vert. Mais ça disait café vert, pas thé vert. T'as bien raison. Fait que je sais pas, mais il me semble qu'il y a un petit quelque chose de vert. Ça sent les feuilles, quelque chose. Oui, ça sent les plantes. Donc, sur l'emballage, ça disait quoi de verser dans l'eau? Oui, alors on prend 475 millilitres d'eau. On le verse et on ajoute de la glace et on brasse. Alors, on y va en même temps. Là, Mathieu se déplace parce qu'il veut pas faire de dégâts en avant de la console. Non, c'est ça. Je suis prêt, là. OK, on est prêt. On y va, on verse. J'ai versé avant qu'on puisse entendre quelque chose, je suis désolée. J'ai vraiment été pourrie sur ça. Je donne des petits bâtons de bois. Oh! La c'est poussiéreux. Poudre à pogne dans le fond de la gorge. Ça ressemble plus à du tang que d'autres choses. On dirait qu'on se fait du jus pour enfants. On dirait qu'on se fait du Kool-Aid, là, sérieusement. Ou, tu sais, les petits sachets de thé qui ont sorti, là, à un moment donné, là. Sachets de thé? Oui. Tu sais, là, que tu pouvais mettre dans une bouteille d'eau. Ah, les light. Oui, exact. Mais on sait pas le nom. Mais non. C'était pas Nesté? Nesté Light? Non. J'ai versé, j'ai brassé, maintenant ça me prend de la glace apparemment. Oui, apparemment, j'ai ton verre de glace ici, j'imagine qu'on y va moitié-moitié là-dedans. J'imagine que je vais y aller un cube à la fois, sinon c'est sûr que ça va revoler partout en studio. Moi je trouve que ça aurait été sûrement mieux d'avoir un shaker. C'est sûr que oui, fait au shaker, là, ça doit être bon. Ça me semble crémeux. Ah oui, OK. Je sais pas pour toi. Ben. C'est peut-être à cause que c'est de la poudre. Peut-être gluant plus que crémeux, je trouve. Non, mais on dirait un smoothie qui aurait fondu, je trouve. Un creamsicle qui aurait fondu. Ah oui. Justement, je suis allé au... comment on appelle ça? À la place où ils vendent de la crème glacée? Non, au Café Cognac. OK, oui. Cette semaine. Leur drink creamsicle, il y a ça dans plusieurs bars, là, mais ouais. C'est vraiment le meilleur drink au monde. Ah ouais? Ouais. Toi, t'aimes ça, le goût du creamsicle? J'adore ça et ça goûte exactement ça. Je vais même trouver une petite recette sur Internet. Là, on vous divertit parce qu'il faut brasser. Oui. Ça prend de plus avoir de petites poudres dans le verre. C'est de la si bonne radio qu'on alors, fait. Alors, moi, je pense que je suis correct. Le lécher son bord. Hey, moi, s'il y a une chose dans la vie que je suis pas capable de faire, c'est de lécher un bâton de bois. Ah ouais? T'as peur d'avoir un écharpe? Ben, un, mais j'aime pas la sensation que ça donne. Non, c'est pas super le fun. J'ai l'impression d'être un chat quand je fais ça, tu sais, d'avoir le... En tout cas, j'y vais, je goûte. OK, je vais essayer aussi. Ta boy. Ça manque d'eau. Je pense. Oh, ouais, oui. C'est du concentré, ça, les amis. Mais sûrement que si on laissait fondre la glace un peu. Je sais pas si on. Je sais pas si on a 475 millilitres d'eau présentement. Je penserais vraiment pas. Je pense pas parce que. Mais c'est un grand verre de café, donc je m'attendais à au moins 500 millilitres, mais apparemment que non. Mais on tient à remercier les filles de la chasse galerie qui nous ont fourni les petits verres et la glace, mais... Ils sont toujours à notre service, toujours à chaque semaine. Tu sais quoi? C'est peut-être le café vert qui donne cette espèce de oomph, là. Peut-être, mais c'est un petit peu plus dilué. La saveur est très bonne. Oui, ça goûte, c'est vrai. Ça goûte, on dirait. Ouais, comme du tang. Oui, oui, oui, vraiment, ça goûte. Mais c'est sûr que quand tu vas chez Starbucks dans un café, ils ont une recette exacte. Ouais. Qui est faite pour goûter quelque chose. Si tu fais la recette comme elle est sur l'enveloppe de Via, comme pour le café, je te garantis qu'elle est exactement pareil comme chez Starbucks. Puis probablement qu'il faut que tu mettes ton verre quasiment moitié-moitié. Mais non, parce que sinon, ça fonctionne pas. Peut-être que ça va mieux si tu mets ta poudre en premier et l'eau après, parce que ça vient comme plus brassé encore. Ou peut-être avec un shaker, ou peut-être avec plus d'eau. Parce que tu sais, au Starbucks, là, ils mettent tellement de glace. Oui, oui, c'est... Alors, c'est d'après moi, là, ce que tu nous as amené comme un verre de café de glace, c'est probablement ça qu'ils utilisaient. Oui, exactement. Ouais. Donc, mais avec la même quantité d'eau, ça déborderait, non? Ben, ça rentrerait pas dans ce verre-là, en tout cas. Mm. C'est ça, ce qu'ils disent pas, c'est que ça doit prendre un grand verre, tu mets 475 plus le verre au complet de glace. Mais ben, ça tente pas à ce qu'on fasse une critique à la radio non plus avec, non, pas. Avec les instruments du bord. Mais j'aime la saveur. J'aime la saveur. Je te dirais que si je suis fatiguée, je vais en prendre un, ça va me réveiller genre à première gorgée demain. Mais moi, je suggère, je vais laisser ici. Je vais laisser fondre la glace pendant le reste de la chronique. On va faire des nouvelles. Puis après ça, on va y regoûter. C'est bon? Bonne idée. Bon. Je retourne à ma place. Oui, oui, oui, oui. Mathieu retourne à sa place. Je vais lui laisser le temps. Les cours autour de la station, voilà, merci. C'est fait. Merci, t'es fine. Ça fait plaisir. Je sonne beaucoup moins fort dans ce micro-là. Oui, je sais, hein. Bon, notre micro 5 a pas de mousse dessus. Nouvelle de fast-food, tiens. C'est ce qu'on fait d'habitude après avoir goûté à quelque chose que je vais laisser mon verdict à plus tard, moi, par rapport au pouce, ça sera plus tard. Est-ce que tu trouves que ça a l'air crémeux, là, après un certain temps? Ben, là, je trouve que sa couleur est rendue un petit peu plus fade, là. Je pense que ça pourrait être bon. Là, je pense que ça a été dilué grâce à la glace, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on voulait, en fait. On rappelle aux auditeurs qu'on goûte au Starbucks Via Instant. À Refreshers. Oui, Refreshers, à la saveur d'orange Valencia. Exactement. N'est-ce pas? Et ça contient de la caféine, pour ceux qui veulent savoir. Oui, en fait, c'est un des point vendeur de cet emballage-là. Oui. On y va? Oui, go. Go. Aha! Moins punchant. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est mieux comme ça. C'est très bon et ça goûte de plus en plus à ce que Starbucks sert parce que j'ai déjà bu quelques fois des Refreshers et ça goûte à peu près ça. Oui, c'est vrai. Hibiscus, là, tout à l'heure, tu parlais de hibiscus, ces petits fruits. Lui, il est excellent, mais vraiment avec beaucoup de glace. Oui. Bon, ben donc, procurez-vous-le. Il est disponible en sachet. J'avais dit tantôt qu'il y avait orange, il y avait hibiscus et je me rappelle pas trop de l'autre. Ah, c'était lime rafraîchissante. Oui, et voilà. Moi, je l'ai vu en épicerie. Ça coûte 6$ pour l'emballage de combien de tubes? 12. 6. OK, 12, j'aurais trouvé ça très généreux. Oui, non, c'est 6. Ouais. Ça me surprend moins de Starbucks. Et voilà. En effet. Donc voilà, Colin. Moi, je mets mon pouce. Je sais pas, je le mets en l'air. Ah, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je suis vraiment entre les deux. Je le mettrais comme aux trois quarts, mais on a juste en haut, en bas, ce côté. Mm-hmm. Je vais y aller en haut, mais réticent un petit peu. Ouais, moi avec. Sur le côté. Oh! Non. Entre. Non, en non, haut, c'est en haut, en bas, puis sur le côté. Sur le côté. D'accord. Bon, tu vois, toi, t'étais entre les deux, t'as penché vers le bas. Moi, j'ai penché vers le haut. C'est comme ça qu'on fait ça dans la vie. Et voilà. Tu penches par en bas, je me penche par en haut. Quoi? Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Faut qu'on mange ou qu'on boive quelque chose. Hein? Donc, voici une grosse pointe en laisse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit, que ce soit acheté en épicerie, en dépanneur, dans une bonne rangée en quelque part, où les gens ne vont jamais, on explore, on patauge un petit peu dans les bas fonds, les marais de ces mauvaises rangées-là. Cette fois-ci, j'ai acheté ça à l'épicerie. Ah, ben, faut, du coup, juste quelque chose de nouveau à chaque chronique. Là. Mais oui, c'est correct. Je n'importe quoi. Donc, cette fois-ci, c'est en épicerie. C'est un produit qui contient de l'alcool. Ouh! Ouh! Tu m'avais demandé, oui, c'est ça. Tu m'avais dit, j'espère qu'un jour tu vas amener quelque chose qui contient de l'alcool. Ben oui! Donc c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est jamais arrivé, hein, du moins depuis que toi et moi on anime ensemble. Non. On n'a jamais goûté, exemple, à un drink ou une nouvelle bière ou quelque chose qui est sorti. Puis c'est quelque chose qui manquait, là. C'est l'été, on est dans le temps estival, il faut le faire. Ben je me suis dit, je me suis demandé pour commencer si j'allais amener quelque chose à boire parce que j'ai amené quelque chose à boire la semaine passée. C'est vrai, la semaine dernière on avait goûté, oh mon Dieu, c'était quoi, attends? C'était du jus en poudre de Starbucks. Oui, les Starbucks Via Instant Refreshers Orange Valencia. C'est ça. Ah, eux autres, les noms de produits, sérieux.

Ouais. Ça goûte le thé glacé au citron beaucoup plus que, tu sais, exemple, c'est pas du thé vert. Là. Non, c'est vraiment extra citron, même. C'est quoi? Oui, c'est oui. Peut-être ça qui prend par surprise. Oui, peut-être qu'ils ont pris même un quartier de citron, on dirait qu'ils ont comme intégré le quartier de citron dedans. Oui, ouais, exact. C'est un mélange de tout, là, qui. Ouais. Comme une Corona, ça serait peut-être bon, par exemple. Un citron dedans. Peut-être bien. Mais moi, j'aime ça. Oui, c'est rafraîchissant. Je trouve pas ça mauvais. C'est plus rafraîchissant, alors, peut-être pas plus, là, mais que le orange versé de la semaine passée. Oui, oui. Je trouve que les deux sont moins assez poudreux. Un peu moins poudreux. Mais on l'avait pas, la recette t'as pas suivi la semaine passée. Non, c'est vrai. Alors que ça, au moins, c'est ce qui est le fun, c'est que t'as pas à faire ta propre vodka. T'as pas à aller t'acheter de la vodka et faire ton propre thé glacé pour les mélanger ensemble. J'aurais peut-être mis un petit peu moins de saveur de citron dedans, un petit peu moins. Oui, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, tout à l'heure, je parlais de vodka cheap d'épicerie. Ouais. J'ai comme l'impression que, tu sais, ça a ce petit goût-là. Ouais. Ça n'a pas le goût de vodka polar. Là, ben, c'est ça. On a sûrement des auditeurs qui sont au courant de cette affaire-là. On ne cherchera pas pendant l'émission, mais il me semble que les épiceries n'ont pas là de vendre les écoles fortes. Fait que peut-être que si tu parles de vodka d'épicerie, c'est du malt. C'est ça, exact. Différent. Ouais. C'est, mais c'est les dépendants non plus n'ont pas. Non, je pense c'est un pas. Moins gros pourcentage, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, ça ressemble à ça. Bref, on part à travers notre chapeau, mais on a une base de vérité là-dedans, je pense. Ben oui. Mm-hmm. Mais c'est quand même bon. Sur le bord de la piscine l'été ou. Tu sais, pas spé. Et bien froide. Oui, bien froide. Je trouve que c'est important. Et Mathieu, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais combien pour un 6-pack? T'en souviens-tu? Oui, c'était en spécial à 10$. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est pas super. Non, c'était bien. Ça valait la peine. C'est une bonne idée. Puis t'avais pris ça chez... Une IGA, pas une IGA, une épicerie, voyons. Une épicerie proche de chez nous qui s'appelle le marché Ami. Mais d'accord. C'est là que je l'ai pris. Voilà. Mais je dois avouer que ça remplace pas mon vrai thé glacé Nestlé. Non. Non, mais c'est vrai que c'est pas du thé sucré, glacé... C'est pas du thé glacé qu'on connaît, mettons. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Bref, moi, je mets mon pouce en l'air. Oui, moi aussi. Moi aussi. Yeah! 3 sur 3. Super. Une grosse pointe. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en dépanneur, dans une rangée qu'on n'aurait pas fréquentée. Et comme invité spécial aujourd'hui, Tania, oui! Stéphanie Paradis! What, raise the roof! Salut, ouais. Steph! Là, y a personne qui sait je suis qui, dans le fond, là. Bon, on va mettre en contexte. C'est l'ancienne co-animatrice de l'émission, et voilà. Assemblage requis. C'est aussi avec elle que j'ai commencé, une grosse pointe d'adresse, et ses antécédents judiciaires avant. Hein? C'est bon, j'espère que tu voulais pas trop que ça sorte pas, parce que trop tard, je l'ai dit. C'est ça. On a fait bien des crimes ensemble, des crimes envers notre corps en mangeant des choses qu'on devrait pas manger. On a beaucoup mangé. Elle et moi, on a beaucoup mangé de choses ensemble. Elle a même cuisiné pour moi. Hein? Oui, j'ai cuisiné pour lui. Dans cette chronique-ci et dans d'autres, C'est vraiment fun. Mais bref, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, en fait, depuis l'automne. Ben, ouais, novembre. Moi, je ferais un bon gag de « on est à la radio ». Ah. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, ça fait très longtemps. La dernière fois, c'était pour un cheese quiz. Oui, pour ta chronique mensuelle qui a eu lieu une fois en novembre, le cheese quiz. Mais écoute, on va rester fidèle à nos traditions de on n'est pas super à jour dans nos choses. Non, pas nécessairement. T'sais, on se parle quand on a besoin de quelque chose, mais c'est ça de même. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est toujours agréable, par contre. Oui, mais à chaque fois qu'on se voit, on a du plaisir à se voir, que ce soit pour jouer à Pokémon Go. Ouais. Ah, parce que vous jouez à Pokémon Go. Une fois, elle a joué à Pokémon Go. Non, mais lui, il a joué une fois. Moi, j'ai abusé par la suite. Ouais, ouais, moi, je suis rendu niveau 20, là, quand même. Boy. En fait, l'autre fois, j'ai écrit pour lui demander si elle pouvait faire quelque chose pour moi. Et elle m'a dit, non, je peux pas, je suis en train de jouer à Pokémon Go. Ah, ouais, mais j'étais pas chez nous. C'est ça. J'ai été à Saint-Louis de France. Oh, wow. Pour chasser des Pokémon. Est-ce que tu vas là pour ça? Ben oui, c'est un regroupement d'équipe. Un meet-up. Un regroupement d'équipe. Ouais, c'est... Tu sais, quand tu vas là samedi soir, t'es comme « Hey, on est-tu loser? » On s'assume, c'est l'important. Ah, hein? Oh, totalement, totalement. On n'est pas là pour parler de Pokémon Go, on est là pour parler de nourriture ensemble. Ooh, parce que c'est une grosse pointe d'adresse avec cette grande introduction-là. Stéphanie qui est là, Tania qui est là, moi qui est là. Une équipe de 3 personnes, c'est ce qui est la perfection même. Mathieu, je sais pas si t'as vu, mais on n'est pas 3. On est 4. Ah, mais dans son dos. Ah, 3 et demi. Elle a son enfant, Annelle, Stéphanie, dans son dos. Et elle est tellement cachée par la tête de Steph que j'ai comme oublié sa présence. Il y a juste moi qu'elle voit présentement, puis elle doit être traumatisée. On sait pas elle si elle va... seule dans un micro. Est-ce qu'elle va goûter à ça? On sait pas. On sait pas. Ben, la semaine passée, on a goûté de l'alcool? Non. Peut-être pas. J'essaie de varier. La semaine passée, on a goûté à de l'alcool. Oui. C'était le thé glacé. Il m'en reste encore une bouteille chez nous. Oui, thé glacé à la bière. T'as-tu fini? Thé glacé à la bière? Ouais, c'est pas mauvais. c'est pas super bon non plus, par contre. C'est, ouais, ah, c'est un entre-deux. C'est ça. On te le donne, tu le bois, tu l'achètes pas, par contre. C'est exact. Ça? Mettons, je vais finir ma dernière bouteille qui me reste, puis j'en rachèterai sûrement plus jamais. Bon. Mais par contre, j'ai trouvé un autre alcool qu'il faut qu'on goûte. Et là, je pense que la semaine prochaine, ça va être ça. Okay. J'ai des produits achetés à l'avance pour les prochaines chroniques, mais là, celui-là devrait bypasser les autres. Là. OK, c'est bon. Parce que si on réfléchit comme faut, il reste seulement 4 chroniques estivales. Oui, c'est vrai. Fait qu'à un moment donné, faut pas gaspiller ça sur des affaires plates. Là. Non, t'as raison. Bref, aujourd'hui... Tu devrais fermer le micro tout de suite. C'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, on a une affaire plate pas mal, je trouve. T'sais. OK. C'est comme ça. Donc, je gaspille une de nos 4 dernières chroniques estivales sur de la gomme. Ouh! Oh, c'est rare. On fait de la gomme une fois par année, je pense. Hey, sérieux? Tu m'as vraiment demandé de rester pour la gomme? De rester pour ça. Non, mais c'est parce qu'elle est craquante. Ça dit qu'il y a des réacteurs dedans. Des trucs croquants dedans. Ah! Et si vous aimez pas ça, j'ai un autre produit dans le bureau, on pourrait peut-être essayer d'autres. Mais tu parles-tu des trucs qui pétillent sur la langue? Ben, c'est ce que je me demande. OK, on va décrire. On va commencer par le commencement. Le produit s'appelle la gomme Stride. Non, mais moi, les préliminaires, là. Ouais, je sais. Ah, toi, cette chronique-là, ça devrait être difficile. C'est ça. Je sais pas. Non. C'est de la Stride pêche melon. OK. En anglais, ils ont combiné ça en Mellow Peach. Oui. OK. Bon. En français, ils sont pas forcés. Pêche-melon. Non, c'est ça. 14 morceaux. C'est de la gomme sans sucre. Ça va goûter la sucre à l'eau. Ça va être plate à mort. Ah. C'est sûr. Okay. Mais ça dit dans le coin, craquante à souhait. Charred en anglais, OK? En anglais, c'est charged with crunch reactors. Oh. Chargé de réacteurs croquants. On va tout avoir les dents pétées à la fin de ça. Moi, ça m'a intrigué quand je l'ai vu, en tout cas. Parce que c'est écrit quand même assez gros et c'est vraiment très, très genre comme si ça allait cruncher. Il y a des effets spéciaux dedans. Là. Mais là, je regarde le cover. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que ça a un petit look ou c'est juste cette sorte-là? Je crois changer de look récemment. Parce que je regarde pas vraiment les paquets de gomme. Non, mais plus, j'en mange jamais la gomme. Ça fait un petit look vieillot 90, là. Je pense que c'est voulu, on dirait qu'ils ont voulu comme se démarquer des autres en faisant un petit look comme ça. Parce que les paquets de gomme, d'habitude, c'est très, très genre futuriste ou, tu sais. Bon, je sais pas. Dessus, à l'arrière, on a des petites vagues de couleurs, des petites waves orange et rose pour, j'imagine, représenter le melon et la pêche. Probablement. Oh. Perspicace. Quand même très cadence. Oui, effectivement, effectivement. Là, je voudrais bien le déballer pour dire d'autres affaires, mais il faut que je laisse Tania déballer ça parce que bon. Je vais lire les ingrédients d'abord. Contient. Ouf, le premier ingrédient, c'est. Sucre. Non, étrangement, c'est du soya. Ah. Non, ouais. Attends, ça, c'est pas les ingrédients, excuse-moi, attends un peu. Je commence par le début. Ok, oui. C'est plus ne contient pas de soya. Ouais, de c'est ça. Non, non, ça contient bien du soya, de l'aspartame et de la phénylalanine. Mais les ingrédients, c'est du sorbitol. Je pense que c'est une alternative, c'est au un truc sucre. De sucre, ça. Hein? Me semble. Je pense sorbitol. Base de gomme, xylitol, isomalt, un paquet d'autres cossins qu'on dira pas parce qu'on comprend rien. Il y a 2,9 g de sucralose par morceau, 2,9 mg d'acésulfame potassium, colorant, truc naturel artificiel. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est? S'il te plaît. Le sorbitol ou glucitol est un polyol naturel. Ben oui, oh! Ah, là, je comprends tout! C'est du sucre, en fait. C'est bon, une dérivée du sucre deux fois plus faible que la saccharose. Eh ben! Un morceau fait 1,9 g, contient 4 calories. C'est pas une source significative, donc une source négligeable d'autres éléments nutritifs. Je pense qu'on est prêt à l'ouvrir là, parce que les ingrédients, on comprend rien. Micro magique, qui comme toujours là. Je suis pas sûr que ça, on va entendre grand chose. Tu te rappelles du micro magique, Steph? Oui. Okay. Je t'ai mu. C'est vraiment long. Rien. Tania est vraiment lente sur le déballage. Non, mais tu exiges. Ouais, c'est ça. On n'entend rien, là. Ah, ah voilà. Ah, ouais. Et c'est sacrifice, ça sent le sucré, mes amis. Ouh, ça sent le sorbitol. Sucré, ouais. Ah, regardez l'intérieur. Hein, c'est fou l'année c'est 90. Hey, hey. Ah, oh, ben, il y a hey en anglais, puis hey en français. Évidemment. Oui. Évidemment. Mais écrit pareil, là, mais on se comprend. Non, non, non, il y a Y en anglais. Ça dit de craquant à lisse. Craquant, donc ça va être craquant et ensuite quand tu vas manger, ça va devenir lisse. Là, ça dit tu vas aimer. Ben, c'est disent. Oh, pas besoin de c'est goûter. C'est prétentieux. Steph, je te prête le paquet. Je le sniff? Oui. Ça sent vraiment... Mais ça sent limite les Juicy Fruit. Ouais. Ah, bon. C'est une bonne chose, j'aime ça, les Juicy Fruit pendant 30 secondes où il y a de la saveur. De ouais, mais au pire, copie pas les autres. Oh boy. Genre. Il y a des graines dessus. Oh! Ah, oh, je vais aimer ça. Ah, moi d'habitude. Mathieu va aimer ça. Et franchement. Hey, c'est pas fin. Moi, j'en prends tout le temps deux à la fois d'habitude. Mais, ah, mais là, j'en ai pris juste une. Et les deux saveurs ont l'air d'être mis sur le même gomme. Oh, c'est chacun un côté. Ben là, moi, j'en veux deux. Je vais faire comme Mathieu. Attention. Oh. Je vais en prendre un autre. Ah non, mais là, tu l'as pitché à terre. On va t'en lancer. Attention. On va finir le paquet avec ça. Je l'ai eu. Yeah, bravo. Elle a un bébé dans le dos, tu peux pas y pitcher de quoi à terre. C'est pas juste. On va pas ramasser. C'est pas juste. Ok, on a ça. Mais c'est vrai, c'est comme un mini-weed, un côté jaune, un côté rouge. Mais les deux côtés. Les deux côtés sont exactement la même affaire. Où est-ce que tu vois les petites billes? Il y a comme des petits... Ouais, des petites affaires blanches. Mais il n'y a pas sur le côté. Oui, mais c'est petit, il n'y en a pas même. Non, c'est ça que je dis, mais il y en a quand même. OK, moi j'en prends deux en même temps. Ben, moi j'en ai trois. Aïe, hey, tu me bats. OK, on y va. Il y en a un porte-à-fille là-dedans. Ouais, c'est ça. Ah, donne-moi petit pas de la gomme. Il n'y a pas de chien dans le studio parce qu'il faut pas leur faire manger de gomme. Là, ça veut-tu pétiller, genre? Ça craque en tout cas? Ça craque. Pas énormément, hein. Ça craque pas énormément. Non, mais c'est même désagréable, je trouve. Elle est surette. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'on a du sable dans la bouche. Dans la bouche. C'est ça. J'allais dire, on dirait que t'avais de la garnotte en même temps, que tu l'as comme échappé à terre. C'est vrai. Je trippe pas tant, non? Ben, la saveur est bonne. Oui, la saveur est bonne, mais pour les graines, on repassera, là. Ouais. Ben, ça sert à rien. Ça picote même Est-ce pas. Est-ce que ça rajoute rien? Quelque chose? Non, moi, je m'attendais justement, comme tu disais, les bonbons qui picotent dans ta bouche pendant longtemps. Attends. Non, ça fait pas de bruit. Il y a pas de petits bonbons qui pétillent. Tu nous as laissé du suspense incroyable. Mais vraiment? Attends, écoute. Tu sais, elle a étudié en radio. Hein. Mais non, il y a rien. Non. C'est plate. Moi, je trouve qu'on dirait qu'ils ont écrit ça. Premièrement, ils ont écrit ça sur le plastique. Fait qu'on dirait qu'ils l'ont comme rajouté par après parce que sur le paquet, c'est pas écrit. OK? Ouh! Hey, OK, raison. Fait que c'est vraiment une erreur de fabrication. Ils ont échappé leur batch de gomme dans le sable. C'est ça. S'ils disent, on va pas gaspiller ça. C'est ça. On remet ça comme un nouveau produit. Puis on fait qu'on casse. C'est d'habitude, ils lavent ce qui est utilisé pour faire la gomme. Mais ils l'ont pas lavé. Ils ont juste dit, on va l'envoyer au public demain. Et voilà. Puis on va écrire craquante à souhait dessus. Ils l'ont mis dans l'eau de Javel, puis c'est ça que ça fait. Puis les naïfs comme Mathieu, ils vont acheter ça. Ils vont en parler. À la radio, dans les médias, populaire. Mais ça craque-tu tout le temps de même ou à un moment donné, t'as fini de craquer, ça? Ça va sûrement arrêter. J'imagine. Mais en même temps que le goût. Mais c'est-à-dire bientôt. Ouais, c'est savoir. Ça. Plus t'en manges, plus elle devient désagréable en bouche. C'est fait en quoi, ces grains-là? Est-ce que c'est genre des grains de faux sucre, des orbitales? Ça doit être du sucre, je peux pas croire. Ben oui, c'est sûr. C'est pas du sable. Mais ça goûte vraiment... c'est du sable blanc. Ça goûte vraiment diète, vous trouvez pas? Ça goûte l'aspartame puis le truc. Oui, oui, oui. J'aime pas cette saveur-là du tout. Mais ça goûte les agrumes, j'aime ça, mais j'aime pas l'effet faux sucre. Les agrumes, c'est aux pêches puis au melon d'eau. Ça goûte vraiment la gomme à la pêche qu'il y avait là, avant, là, orange, orange. Ça goûte même le jus de pêche, genre radioactif, genre à la belle province. Dans le temps. Ça, c'est bon par contre. Ouais. Mais il n'y a pas de graines dedans. Mais moi, ça me rappelle un peu les agrumes, désolé, mais j'ai tout le temps la langue bizarre. Ça doit être à cause du sorbitol. Je pense qu'à chaque fois qu'on a fait une chronique ensemble, Steph, j'ai tout amené un point, tu me disais, il me semble, non, ça goûte pas tout ça. C'est vrai? J'ai la langue défectueuse. Mais arrête de fumer. Non. C'est ça. Bon, ben moi, je l'enlève. Ouais. Ah ben, je vais acheter le goût quand même, moi. C'est pas si mauvais que ça. Non, c'est pas mauvais, mais c'est difficile de faire une chronique. Non, mais tu sens que ça va devenir pâteux dans pas long. Oui, la saveur va durer 3 minutes encore. Elle en a 3, fait que ça va durer plus longtemps. C'est vrai. Mais tu nous diras en direct, tu feras comme bulletin spécial, le goût est fini. Parfait. S'il te plaît. Pendant qu'on parle, avant de commencer les nouvelles, pouce en l'air, pouce en bas, moi, je le mets vraiment sur le côté. Je dis en bas. Moi, ça reste de la gomme en bas. En bas. Good. Mm-hmm. Je pense qu'on est tous d'accord. Il n'y a personne ici qui mange de la gomme régulièrement. Non. Non. Bon. Fait que, expérience vraiment concluante. Hein? Pour nous. Voilà qui termine cette édition spéciale d'Assemblage Hockey sur une grosse pointe à l'adresse. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez entendre nos autres émissions spéciales du 26 au 29 décembre 2016 et du 2 au 5 janvier 2017, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Consultez la programmation complète sur safe.ca, retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Merci à tous nos collaborateurs qui ont participé aux chroniques pendant l'émission d'aujourd'hui. Merci à toi, Tania Baudin. Merci aussi à toi, Mathieu Plante. On se retrouve pour une dernière petite chope du mois d'août au novembre 2016, la prochaine fois. Bye. Bye.